Salut, c'est Sarah Le Thor. Un gros bisou à toute l'équipe d'RQC à 80 à l'heure. Plein de bisous. Et bien le bonsoir à tous, et on démarre notre émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM comme tous les mardis soirs de 20h à 22h30 avec un titre qu'on affectionne tout particulièrement puisque c'est le dernier titre de Sarah Le Thor tiré de son album qui vient de sortir, deuxième tout chaud là que j'ai dans les doigts, qui s'intitule donc Again. Sarah Le Thor évidemment qu'on a eu en interview donc la semaine dernière, et promis Flipkat, vous aurez donc le retour de l'interview donc la semaine prochaine, ouais. Où on lui a posé quelques questions. J'ai eu le plaisir d'ailleurs à l'époque d'être accompagné de Marjorie, Marjorie Demulier, ouais. Voilà, qui connaissait bien Sarah, et on a passé une très très bonne soirée. Donc Sarah Le Thor, là vous écoutez donc Nos Limites. Elle a une super voix. Ah magnifique. Et ben en parlant de super voix. Bonsoir Onissa. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ben, ça va bien et toi? Super bien. Alors toi tu nous as préparé une petite chronique flashback sur un dessin animé c'est qu'on adore. C'est pas flashback moi, c'est des souvenirs d'enfance. C'est un flashback. C'est un flashback. Et ben, moi, j'ai pas on va pas commencer ça. Je commence, l'appel des souvenirs d'enfance. À moins que tu nous parles de la Renaissance ou du Moyen-Âge. Ah ça j'adore aussi moi. Non peut-être pas, on a dit. C'est pas 1880 à l'heure. Et ben, la Révolution hein. Oui, c'était en 1700. Je suis né le 14 juillet. C'était en 1700. Hein. Oui, mais c'est rien, on aime bien tout ça. D'accord. Donc toi, on va te retrouver donc, d'ici quelques minutes pour une petite chronique bien sympathique avec... tu vas nous parler d'un personnage, une demoiselle qui n'est pas tombée amoureuse de cette demoiselle. La semaine dernière, tu nous parlais de Candy. Non, il y a 15 jours, c'est tous les 15 jours. Ah oui, donc c'était il y a 15 jours, tu nous parlais de Candy. Cette semaine, bon, on va garder le suspense hein, jusqu'au moment où tu vas prendre la parole, évidemment, sur un des personnages de dessin animé que tout le monde, entre 30 et 40 ans, a vu, et peut-être même plus encore âgé. Encore maintenant, parce que je crois qu'il y a une nouvelle version qui est sortie. Oui, une nouvelle version. C'est encore en diffusion depuis 2012. Ah, bah voilà, donc tu vois, donc à mon avis, vous allez reconnaître le personnage, un autre grand personnage de la radio RQC. On l'appelle notre Gremlins à nous. Ah, notre Gremlins préféré. Notre Gremlins à nous, notre rocker, notre rockabilly man. Si on dit un rockabilly man, non. Non, un rockab. Un rocker. Un rocker. Eh bien, il est avec nous, c'est Flipkat. Eh oui, bonsoir à tous. Et comment est-ce que ça va bien? Bah, très bien, nickel, ouais. Ouais, alors, chronique ce soir? Oui. Alors, un peu l'épisode 2 de la semaine dernière. Bah, comme tu me l'avais demandé, puisque c'est vrai que je pensais pas que ça aurait suscité autant d'intérêt. Bien sûr. Et très franchement, quand vous étiez, je vous trouvais vachement investi, non? Et puis, les questions, franchement, ça m'a fait plaisir. Ouais, tu nous as pas trouvé investi? Non, je vous ai trouvé. Super. À mon grand étonnement. Non. Ah oui, carrément. Bien sûr. Tu le casses. Non, mais j'y crois pas. Très franchement, c'est ce retour-là qui me fait plaisir. Donc, tu m'as posé pas mal de questions et même en tête, tu m'as dit nous. Vous, oui. Quand je dis tu, vous, quoi. Et très franchement, j'avais bien pris note des questions que tu m'avais posées, même hors antenne. Et j'ai creusé un peu plus. Ah bah c'est bien. Et crois-moi, il y a encore de quoi faire. Mais j'ai... Ah, on te fait confiance, tu pourras creuser encore. T'as creusé ta tombe? Non, je te rassure, pas de sitôt, non. Non, mais j'espère aussi, j'espère. Allez, bien. Attends, voilà, il va tous nous enterrer, de toute façon, cherche pas. Donc, ouais, mais l'alcool conserve, ouais. Hein. C'est vrai. J'ai pas compris, plaît-il? Elle a dit l'alcool conserve. Ah, mais je confirme. Ouais, mais j'ai toujours dit la preuve. Et donc, ça, ce sera à 20h30. 21h. T'as décidé 21h? C'est 21h. Ça a toujours été 21h30. Voilà, alors c'est pas ce sera 21h. 21h30. Qui change, il dit 21h, ça a toujours été 21h30. Ouais, c'est 21h30 alors. Alors, 21h30, ah, oui, d'accord. Non, c'est parce que tu as dit 20h30, donc je t'ai repris, j'ai dit 21h. Non, j'ai dit 21h. Ah, pardon, c'est pas grave. On va s'en sortir. Mais oui, on va y arriver. Bon, 21h30 évidemment. Donc cette deuxième chronique, partie. Deuxième partie de la chronique que vous avez entendue la semaine dernière. Je suis sûr qu'elle vous a plu et j'espère que celle de ce soir va nous plaire tout autant. Voilà. Bon, on peut le mentionner cette fois-ci. C'est plus une surprise. Ah bah oui, tu vas nous parler de Caroline. Radio Caroline. Caroline. Pourquoi Radio Pirate en fait? C'était surtout ça la question. Voilà. Ouais, voilà. On voulait savoir. Ouais. Voilà, absolument. Nous sommes avec, tiens, en parlant de pirates. Ah oui. Eh oui, bah oui, mais tu, vrai, forcément, ouais, ouais. Puisqu'il est allé voir Pirates des Caraïbes, oui. Voilà, et tu nous en parleras évidemment. Oui, puisque bien sûr. Tu es notre monsieur cinéma, c'est notre ami Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir, petit lapin. Et un beau t-shirt en plus. Et une belle coupe. Et une belle coupe. Une belle coupe. Une belle coupe. Un nouvel homme. Un nouvel homme. Carrément. Il est allé chez Robert se faire couper les cheveux. Non, c'était Bernard. Bernard, pardon, c'était Bernard. Bernard. Il a bien si j'en parlerai parce que. Mais ce qui est dommage, c'est que c'était fermé. Ouais. Ouais, j'ai fait ça moi-même devant la vitrine. Bah, tu fais ça bien. Ah, bah, c'est bien fait, franchement. Ça, c'est Coluche qui avait dit ça à propos de Régine. J'ai croisé Régine qui revenait de l'Institut, à mon avis, ça devait être fermé. Oh non. Si, il a dit que c'est Coluche, c'est une citation de Coluche, ça. Ah, bah, ouais, bah, je me doute. Mais c'est pas le dernier non plus à dire de saloperie. Eh bien, Sherlock, évidemment, ce soir, donc à 21h. Oui. Le rétro ciné 80. C'est ça. Quelle année? Alors c'est un film de 1989, mais qui est sorti chez nous en 90. Oh. D'accord. Mmh. Mais début 90. Hein. Alors je le dis tout de suite, c'est un mercredi comme ça. Oh non, c'est un mercredi. Je casse le cou à Onissa. Méchant. Ensuite à 22h, évidemment, ce sera les sorties cinoches. Oui, bien sûr. Et puis bah moi pour ma part, c'est pas un petit coup de gueule, mais c'est une petite réflexion autour d'un bouquin qui vient de sortir, que vous connaissez forcément, que tout le monde a lu et a relu et relira certainement, mais ce sera dans le courant de l'émission, je vous en parlerai. Ça marche, okay, ça marche. Super. Eh bien, on va continuer en musique. Oui. Alors avec encore un petit Sarah Lothar. Ah oui, beaucoup. Alors, avec Beyond. Ah bah j'espère qu'elle nous écoute, ça va lui faire plaisir. Ah bah j'espère bien. Alors ça change de style, mais c'est vraiment sympa. Ah, elle a une belle voix, j'adore. Donc Sarah Lothar avec Beyond, et ensuite on reviendra avec Sheena Easton et For Your Eyes Only. Qui est la BO d'un James Bond. James Bond, ah oui, rien bien pour sûr. Vos yeux. Absolument, allez vas-y. Allez bah c'est parti. Beyond, beyond, beyond, and beyond. Salut les petits clous, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Alors, For Your Eyes Only, yes. Donc de qui, rappelle-nous un peu ? Sheena Easton. Ah, par contre, là, on ne se rappelle pas du tout de l'interprète. Non, bah non. Mais c'est bien parce que, quelque part, c'est un hommage aussi à Roger Moore, hein, qui nous a quittés ouais, la semaine dernière. Alors, je ne sais pas s'il a joué dans celui-là, justement. J'ai un doute. Ah, rien ouais. Que pour vos yeux. Rien que pour vos yeux. Est-ce que je c'était Roger si, Moore ? Je ne sais pas si c'était pas Timothy Dalton. Je ne sais pas. Je vais regarder. Ça me paraît plus vieux que Timothy Dalton quand même, non? J'aurais dit Sean Connery, moi. Arrête tes conneries. Ouais, j'allais dire Sean Connery, à mon avis. Ouais, je vais dire une connerie. Non, mais je crois que c'est plutôt Sean Connery, non? Parce qu'à l'époque, on est plus fin des années 60-70. Mais qu'est-ce que tu me touches? Ah non, c'était Roger Moore. C'était Roger Moore. Ah ben voilà, et ben, c'est un bel hommage pour Roger Moore qui nous a quitté donc à l'âge de 89 ans, la semaine dernière. Donc Roger Moore, évidemment, figure emblématique des James Bond, mais aussi... Il s'appelait Faux Bond, hein. Oui, c'est ça. Ça commence, attention. Et aussi d'Amicalement Vôtre. Amicalement Vôtre, oui, et Le Saint. Saint. Ouais, Le Saint. Alors, Le Saint, j'ai jamais aimé. Je sais pas, il y avait un truc, j'ai toujours trouvé ça un peu particulier, quoi. Enfin... C'est parce qu'il n'y en avait qu'un. Ça y est, c'est parti. Tu sais que t'es la seule à rire là. Mais je m'en fous, j'adore. Un grand moment de solitude pour Onissa. Pas du tout. Au fait, vous la connaissez l'histoire avec James Bond qui est largué en France en pleine campagne normande? Oh, non, mais est-ce qu'on doit vraiment écouter? Ouais, ouais, bon, elle fait pas rêve, tu vois. Ouais, vas-y. Et donc, James Bond est largué en pleine campagne et puis il se retrouve en pleine nuit. Et au loin, il voit une ferme avec de la lumière. Il y va, il frappe à la porte. Et là, la porte elle s'ouvre. Et il se présente, il fait My name is Bond. James Bond. Et là, la ferme, elle répond « Monde, Raymond. » C'était obligé de l'histoire de la porte qui s'ouvre. Ah bah oui, on a le bruitage. C'est pas mal. Mais elle était connue. Oui, oui mais bon, connue. Voilà. Elle était connue. Bon, avant... Non, Onissa, la connaissait pas. Là, tu connaissais pas ? Ouais, mais Onissa, elle ne connaît que la sortie des films le mercredi. Moi, je suis bon public. Hein. C'est vrai. Attends, je vais essayer de te trouver un bruit de porte. Oui. Ah, Michael ouais. Jackson. Bah, oui, c'est parce que je me suis pas entraîné à faire la porte souvent. Voilà, c'est plutôt comme ça, voilà. Quoi. Alors là, c'est plutôt. Mon nom. C'est ça, ouais. Bah, c'est d'actualité, ouais. Plutôt pour la fermière. Bon, tout à l'heure, je vous disais effectivement, donc avant de retrouver Onissa évidemment et sa chronique, je vous parlais d'un. Vous lisez tous, évidemment, vous avez tous des romans sur votre table de chevet. Oh, mais bien sûr. Et des bouquins. Oh, ouais. Qu'est-ce que tu dis, toi, par exemple, Flipcat? Oh, bah, rien du tout, justement. Il y a longtemps que je dis. Mais bah, franchement. Oh, t'as une carte à lire des Harlequins, non? Pas du tout. Un champion de l'amour. Non. Il y a très longtemps que je lis plus, non. C'est vrai. Et très franchement, les seuls bouquins que je lisais encore il y a peu, c'est tout ce qui traitait de l'actualité ufologique sur les ovnis. Je croyais qu'il allait dire sur les ovnis. Ouais, c'était okay. les notices de montage Ikea. Tu vois. Ah, j'en ai pas besoin. Ça, Onissa, c'est fait. Clic, pour clac. L'instant, je lis Dodo la Saumure. Du quoi? Dodo la Saumure. L'histoire de Dodo la Saumure. Sérieux? Il a ouais. Fait un livre? Ah ouais, très intéressant. C'est vrai, il y a des pages, elle colle. Je suis une femme, moi. Je vais le dire. Excuse-moi. C'est plutôt pour vous, les mecs. Hein, et mais... c'est un gros roman, sérieux? Non, c'est pas très gros. Mais qu'est-ce qu'il... Ça non, mais qu'est-ce qu'il raconte, Dodo la Saumure? Bah, où est-ce qu'il, comment il en est arrivé, là? Ah, le monde de la nuit. Ah ouais, et c'est passionnant ou pas? Bah, je te dirai quand j'aurai fini. Est-ce que c'est excitant ou pas? Je sais pas, mais... Non, mais par contre, ça permet de découvrir certaines facettes du monde de la nuit. Ah ouais, ok, ouais, pourquoi pas. Les gens s'imaginent pas. Sherlock, tu dis quoi, toi? Moi, dernièrement, j'ai lu un Astérix. Oh non, dans un roman, je te parle, un livre. Allez. Oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas lu de roman. Ouais. Mais moi, je suis plus Stephen King. Ah oui, moi aussi, ouais, absolument. J'aime Stephen King. D'accord. Et bon. Un notamment que j'ai lu et relu quand j'étais au lycée, parce que ça m'a passionné, il ne l'avait pas écrit sous le nom de Stephen King, mais sous le nom de Richard Bachman. Ah bon? Ouais. C'était un nom d'emprunt qu'il prenait à ses débuts, et ça s'appelle Rage. Ça ah se ouais. Passe justement dans un lycée. Et c'est un élève qui prend en otage toute sa classe. Il a tué son prof. Alors je sais plus, je crois que c'est son prof d'histoire ou son prof de maths. Mmh. Et il prend toute la classe en otage et il nous explique un petit peu comment il en est arrivé là. Enfin, ceci dit, il y a 30 ans que tu l'as lu, hein, ce bouquin. Donc, c'est depuis le temps, t'en as lu d'autres quand même. Rassure-moi. Bah, quoi, par exemple ? Oui, j'aime bien tout ce qui est un peu fantastique. Donc, d'accord. Du L.G. Smith. Donc, c'est celle qui a écrit notamment les Vampire Diaries. Ah oui, d'accord. Ouais. Et là, moi, ça s'appelait Prémonition. C'était un bouquin sur une sorcière, en fait. Une jeune sorcière, en fait. Un biopic sur Onissa, quoi. Voilà, c'est ça. Okay. Ouais, sauf que là, elle était pas blonde et elle était rousse. Ah, c'est bien. Ok. Ah, bah, moi, toi, qu'est-ce que tu lis alors? Parce alors, moi, je lis du Stephen King aussi également. Mais alors, vous allez sourire parce que moi, ça fait très longtemps, j'ai lu la ligne verte. Ah, oui, mais c'est le dernier que j'ai lu. J'adore. Parce que j'ai adoré le principe, puisqu'en fait, la ligne verte, je sais pas si vous vous rappelez du principe ou pas. Le principe de la ligne verte. C'était des petits fascicules. Il y en a eu 7 ou 8 de mémoire. Et en fait, on lui avait commandé un livre. Et il fallait qu'il écrive donc un roman dont le titre était La Ligne Verte, et il ne connaissait absolument pas la suite. Donc tous les mois sortait un petit fascicule qui n'était pas très épais, hein, je crois que c'était allez, une cinquantaine de pages, et on commençait l'histoire de La Ligne Verte. Et puis ensuite il y a eu un épisode 2, c'était la suite, et même Stephen King ne connaissait même pas la fin. Allez. Oui, c'est vrai, non, sérieux. Pas. Ah si. Tu parles bien du fait. Ils en ont fait un film, évidemment. Ah, ils en ont fait donc un film. C'est parti en 7 petits romans. Absolument. C'est 7 petits. Pas, alors c'est pas des romans, c'est des. Enfin. Des nouvelles. C'est des nouvelles. Ouais, des nouvelles. C'est, ouais, voilà. C'est des nouvelles, mais en fait ça se suit. Et je me rappelle le premier, je me suis fait un peu chier parce que c'est la mise c'est en la place. Mise en place ouais. Et le deuxième, après j'ai commencé à prendre goût et même jusqu'à à l'époque, j'étais en Espagne, à essayer de trouver la version française du numéro 3, ah ouais. Parce que je voulais connaître la suite. Et quand on voit le film, c'est une véritable réussite. Et soit dit au passage, si vous l'avez lu, c'est fidèle, mais fidèle vraiment ouais. Au roman. C'est rare, ça. Hein, ouais, vrai, vraiment avec Mr. Jingle et puis tous les personnages. Je l'ai pas au courant, moi. Je sais pas que... De quoi? Non, qu'il y avait les bouquins. Ouais, mais tu sais, ton humour, il faut aller le chercher très loin. Quoi. Ouais, je sais, on peut pas. Non, il faut aller vraiment. Je l'ai compris, hein. Mais là, il faut vraiment chercher très loin. Quoi. Ouais, c'est du high level, hein. Je sais. Ah, ouais, carrément. Allez, moi, j'avais juste un petit, on va pas dire un petit coup de gueule, parce que c'est pas bien méchant. Mais pourquoi je vous parle de lecture? C'est parce qu'effectivement, tout le monde a forcément chez lui un dictionnaire. Eh oui, le fameux Larousse. Ouais. Et la dernière version du Larousse est sortie. Et oui, c'est vrai. Et ouais, et à chaque fois que. Et le petit Robert aussi. Et le petit Robert aussi, voilà, mais je préfère Larousse. Tu sais pourquoi ça s'appelle Larousse et pas la blonde? Parce que. Non, vas-y, dis. Parce que si ce serait le petit la blonde, du Rick Depage. Ouais, d'accord, ok. Bon, ok, voilà. Merci. Ouh là là. Eh bah, Philippe 4 sort de ce corps. Hein. Non, mais pourquoi? Parce qu'effectivement, cette année, on y a intégré. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'on enlève des mots du dictionnaire. Ouais, ça, c'est. Ouais, pour le savoir. Ah, franchement. Et ça, c'est dommage. Ouais, c'est voilà. Dommage. Mais au profit, au détriment, j'ai aussi. Ouais, effectivement, ça dépend, de mots ouais. Qui voilà. Sont encore utilisés. Et par contre, les conneries qu'on peut y mettre, je trouve. Ah, bah, carrément. Alors, on a mis affligeant. Exactement 150 mots supplémentaires, plus 50 personnalités. Mmh. D'accord. Comme de par hasard. Macron apparaît donc dans le dictionnaire. Bah oui, forcément. Déjà. Ils attendaient justement l'élection de Macron pour pouvoir sortir le dictionnaire après. Hein. Ouais, d'accord, mais pour moi, quelqu'un qui est dans le dictionnaire, je peux me tromper, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose. Ouais. Là, il a juste été élu, donc bon, allez, c'est le président oui, c'est de la ça, France. Ah oui, c'est ça, voilà. C'est il a fait quelque chose. Si ça tombe Macron la semaine prochaine, il sera plus là ou j'en sais rien pour X ou Y raison, il sera dans le dictionnaire. Bon, voilà. Enfin, soit. C'est normal, mais j'ai un petit coup de gueule parce que je me dis, merde, il y a quand même des néologismes, mm-hmm. Hein, des nouveaux mots qu'on vient d'inventer, des mélanges entre le français, l'anglais, ouais. Des choses qu'on utilise, qu'on ne devrait peut-être pas utiliser, et que ça existe en français, mais par contre on les utilise en anglais. Alors, émoticône, ça y est, c'est dans le dictionnaire. Émoticônes. Ouais. Ouais. Émoticônes. Hein. Bah, ils sont déjà à la ramasse parce que les émoticônes, maintenant, on ne les dit plus. Non. C'est les emojis. Les emojis, ouais. Ah bah, tu vois, bah, mais ils ont toujours un train de retard de toute façon. Ah ouais, dans le dictionnaire. Alors il y a hipster maintenant, c'est dans le dictionnaire. Bah oui, hipster. Alors c'est pas français, on est d'accord. Ouais, je suis certain. Ouais, je me doutais. Ouais. Alors qu'est-ce que ça veut dire hipster? Alors les hipsters, c'est un nouveau phénomène. Ouais. C'est la grande mode de la barbe en fait actuellement. Il y a beaucoup de gens aussi de ceux qui adoptent ce style qui savent pas de quoi ça vient. Les hipsters, en fait, ça vient de hippie. Ah oui, d'accord. D'accord. Et la barbe n'est apparue dans les années 60. Oui, mais tout à fait, mais justement. Mais c'est un mot qui va de toute façon n'aura plus aucune signification. Les gens ne vont pas faire l'association. Enfin, ça pour moi, ça n'a rien à voir. Je suis d'accord. Bah non, mais moi, je t'assure que je connaissais. Non, voilà. Là où j'étais choqué aussi, il y a un nouveau mot qui est rentré dans le dictionnaire, c'est gamer. Ouais. Gamer. Eh ouais, gamer est rentré. Alors gamer, attention, G-A-M-E-U-R. Ah non, bah non. Mais si, c'est vrai, j'ai vérifié. Bah, ils l'ont fait un gamer alors, c'est pas. Ouais, mais bon, tu vas pas dire un gamer, mais tu dis un gamer. Quand tu dis un gamer, tu mets pas de U. Bah non, mais pourtant si, c'est G-A-M-E-U-R. J'ai vérifié, j'étais même choqué, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on met ça? Un gamer, c'est un joueur, point. Hein, je veux dire, c'est quelqu'un qui joue aux jeux électroniques. Alors, il y en a plein d'autres. Hein. Alors, le souplex, vous savez ce que c'est? Oui. Alors, c'est un appartement qui se trouve en sous-sol. Ouais, donc c'est-à-dire que c'est pas un duplex, c'est un souplex. C'est en dessous du duplex, alors, n'importe quoi. Et ici, entre les deux, il y a l'interplex. Ouais. C'est ça, ouais. Il y a ceux qui, si ton père y habite, c'est le perplexe. je deviens comme toi, tu vois. Alors, showcase. Showcase, on a été mettre showcase dans le dictionnaire français, le Larousse 2018. On l'utilise tous les jours, hein. c'est évident. Hein. Mais non, mais bon. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est ce que je veux dire. Il y a des choses, il y en a plein comme ça. Alors j'ai trouvé, alors la fablette. Oui. Et c'est français, la fablette. Est-ce que vous savez ce que c'est que la fablette, Charlotte? Tu te tais. La fablette. Bah, je t'avoue que ça pas me fout, je l'entends. Eh bah ouais. Ouais, fablette. Ouais. Alors par exemple, le Galaxy Note 3 est une fablette. Est une fablette. C'est en fait entre le téléphone portable, donc le smartphone. Et la tablette. D'accord. C'est un peu l'hybride en fait. C'est plus grand qu'un téléphone portable et c'est moins grand qu'une tablette. C'est une fablette. C'est une fablette. Voilà, on vient de l'inventer. Et alors attention, fablette, ça s'écrit PH. Bien sûr. Alors qu'on nous a, excuse-moi, je vais pas devenir à l'antenne, casser les bonbons pour simplifier l'orthographe de oignon. Oignon, c'est ça. Et ouais, on invente des tas de termes. Et encore, il y en a 150. Hein. J'ai pas sorti les 150, j'ai sorti de ceux qui m'ont plus. Un peu interpellé. Ouais. Alors il y a le faux. P-H-O accent circonflexe. Le quoi? Le faux. Ça m'a fait rire. Hein. P-H-O accent circonflexe. C'est un bouillon japonais. Ah ouais, un truc chinois. Tu vois, je l'avais dit. Ouais, c'est un bouillon japonais. Bah, grâce à ça, c'est un chapeau chinois, oui. Alors, l'ubérisation, évidemment. Bah oui, mais c'est un mot de Macron, ça. Bah ouais, mais où est-ce qu'on va, quoi? L'ubérisation. Bah c'est Macron qui l'a sorti, donc évidemment. Va sortir un mot, toi, va en créer un, même s'il a du sens. Voilà, et je vais vous en sortir un dernier qui va vous choquer. Ouais. Et il y était pas. Et ben, c'est Bisounours. Oh, et ouais. Bisounours. C'est le nom de mon chien. Bisounours n'était pas dans le dictionnaire et il sort cette année. Il sort cette année, donc dans il le sort Larousse. Cette année. Ouais, le Bisounours. T'en perds tes mots. Ouais, non, mais il y a des trucs où je me dis, mais Bisounours, non, mais ça existe fait, depuis très longtemps. Alors, Bisounours, c'est définition, c'est le gars un peu naïf, voilà. Ah, ça n'a rien à voir avec le dessin animé. Ah non. Bah, c'est tiré de là, hein, en fait. Oui, c'est tiré de là, évidemment. On n'est pas au royaume des Bisounours. Ouais, donc, voilà. On n'est pas au royaume des... Comme les jambons, tu me prends pour un jambon. Ça m'étonne qu'ils ont pas... Ça veut dire que tu me prends clairement pour un con. Ouais, c'est ça. Mais voilà, si ça tombe, elle existe, cette expression. À ce moment-là, je vois pas pourquoi on n'a pas mis Casimir. Puisqu'on dit, on parle des gens pour les traiter, ou même tu me prends pour un Casimir, quoi, espèce de Casimir. Ça, je l'ai déjà entendu. Je veux dire, ouais, non, mais c'est ça. À ce moment-là, il n'y a plus de limite. Ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est qu'il y a forcément un collectif qui organise. Alors, je crois que c'est l'Académie française. Hein, oui, mais il y en a une paire qui doivent se retourner dans leur tombe. L'Académie française qui est là, qui dit, bon, bah, maintenant, on va sortir donc, la nouvelle version du Larousse. Qu'est-ce qui est en vogue? Eh bien, on va. On parle beaucoup de ça, on va le mettre dans le dictionnaire français. Il y a des moments, attends, faut arrêter quoi. Showcase, c'est bon. Et est-ce qu'on sait les mots qu'ils ont enlevés à la place de ceux-là? Non, j'ai pas cherché, mais. Onissa, je crois qu'ils l'ont viré. Mais non, parce qu'il faudrait voir par quoi, justement. Parce que, quand même, la langue française, elle est. Je sais pas, parce que ils ont mis. Je suis tombé, mais alors, il y a, je crois bien, 2 ans, justement, sur la liste des mots qui avaient été retirés du dictionnaire. Ouais. Et franchement, j'étais outré parce que je trouve qu'il y a des mots dans la liste, hein, je m'en souviens plus comme ça, mais qui sont encore utilisés, que j'utilise moi-même encore. Donc, bien sûr. Ouais, mais oui, toi, tu utilises encore le fait que ce soit BAT. Ouais, voilà, ça c'est... Mais c'était ouais. peut-être pas dans le dictionnaire. Mais moi ce qui me gêne quelque part, c'est que je me dis, la langue française, la racine, elle est grecque, elle est latine. Et là, si on commence à aller chercher du côté anglophone, du côté américain, du côté même, on va dire, du langage de la rue... Oh, ouais. Le dictionnaire, c'est quoi? Alors finalement, on va pouvoir dire oui, ce qu'on veut. Oui, ou alors veut, tu quoi, fais vraiment un chapitre à part. Tu sais, les expressions... L'année dernière, au milieu, normalement, t'as des feuilles roses dans lesquelles t'as toutes tes expressions. Oui, mais alors qu'ils les mettent là-dedans, plutôt que nous ouais, enlever... C'est les proverbes, Les proverbes, ouais. Ouais, plutôt c'est que comme... nous enlever des mots de la langue française, parce que tu dénatures la langue française. Absolument, il existe de manière officielle un dictionnaire de l'argot. Le problème, c'est qu'il y a la référence. C'est différent. Oui, non, mais justement, c'est ça que je déplore, parce que maintenant, l'argot... tel qu'il est employé, on parlait de langage de la rue, par les jeunes, mais ça n'a franchement rien à voir, notamment pour en apprendre la meilleure école, c'est les dialogues de Michel Audiard, dans les films de Michel Audiard. Oui. Et franchement, quand on entend les jeunes maintenant, l'argot, même leur verlan, ça n'a plus rien à voir. Quoi. Ouais, après, que ça ne fasse pas partie du dictionnaire, je peux comprendre. L'argot, c'est comme si le patois faisait partie du dictionnaire aussi. Ouais. Je ne sais pas, enfin, Mathieu, dans le dictionnaire du Larousse. Surtout que Mathieu, je suis de Cayel. Surtout que, si on veut, il y a plusieurs patois. Hein, En plus. Il y a le Picard, le Tournaisien. Oui, c'est ça, les dialectes. Hein. Donc voilà, donc c'est pas un coup de gueule, mais c'est... C'est interpellant quand même. Ça m'interpelle et je me suis dit, ben merde, quand même, on a quand même un dictionnaire français de Larousse qui existe depuis plus d'un siècle, je crois, et qu'on utilise comme ça les termes tirés de pays anglophones, qu'on utilise aujourd'hui. Et comme Flipkat le soulignait, je pense que comme hipster, l'année prochaine ou dans deux ans, on n'en parlera plus. Quoi. Non, parce que c'est lié à un phénomène de mode. Et il sera peut-être enlevé d'ailleurs. Et je dis bien, c'est un terme qui est galvaudé, parce qu'à l'origine, c'est pas du tout ça, c'est associé par rapport justement à ce phénomène de mode, la barbe. Ouais. À l'origine, ça vient du mouvement, c'est les hippies, c'est un truc des 60s. Et je rajouterais même une chose, c'est rappelez-vous qu'à l'époque, je ne sais plus quel ministre avait dit, on parle pas de courriel, on parle pas d'email, exactement, on parle de courriel. Courriel électronique. Voilà, courriel, et là tout d'un coup, pouf, on se retrouve avec plein de termes anglais, enfin, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est ça. Pourtant, ils étaient réfractaires à tout ça. Alors c'est peut-être parce qu'ils veulent le vendre, le Larousse et tout. Hein. Mais il y a encore des ministres qui combattent... Les anglicismes qui veulent plus qu'on dise prime time. Ouais, bien sûr. Je sais plus quel terme ils veulent utiliser, mais après, il y a des mots, c'est impossible à prendre en français parce que. Mais si, c'est possible. Si, parce qu'il y avait même le fastiché. Le fastiché qui est le pince. Et en français, c'est le fastiché. Ah, mais le pins. Ouais. Alors au Québec, c'était l'épinglette. Ouais. L'épinglette, en France, c'était rigolo, le fastiché. Le fastiché que vous ne voyez plus dans le dictionnaire, maintenant on dit pins. Donc c'est plus simple. Ouais, bah oui. C'est plus simple. Mais non, mais à la rigueur qu'on l'utilise dans le langage courant, mais pas qu'ils nous le mettent en référence dans le Larousse. Bah ouais. Ils nous mettent n'importe quoi. Je crois que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, ils nous ont mis bolos. Oui, bien sûr. Bolos et. Ils ont fait une faute d'orthographe parce qu'ils voulaient marquer bogos, mais voilà. Mais le truc, c'est que quand c'est sorti dans le dictionnaire. Je sais plus quel journal télévisé était parti dans la rue pour demander aux jeunes ce que ça voulait dire et s'ils l'utilisaient, ils ont dit non, on l'utilise plus depuis bientôt un an. Bien sûr, c'était déjà passé de mode. Cagole est dans le dictionnaire. Hein. Ouais. Cagole est dans le dictionnaire aussi également, qui est une expression du sud de Marseille. Oui, de Marseille, enfin, ouais. On est dans le nord. On va pas dire tiens regarde cette cagole, enfin je sais pas, mais ou fou ta cagole, mais cagole. Donc voilà. Il y en a plein d'autres. Si tu veux, je me renseignerai pour savoir quels sont les mots qui ont été retirés du dictionnaire. Mais non, c'est juste pour info, parce que je me dis mince. Ah bah ils dénaturent quand même la langue française, quoi. Complètement. S'ils en mettent 150, ils en ont enlevé 150. Et ils enlèvent des personnages aussi. Attention, ils enlèvent des personnages. Qui ont fait partie de l'histoire. On les enlève et on les remplace par Macron. Alors Cazeneuve fait la gueule parce qu'il n'est pas dedans. Ça, je l'ai su. Mais après, bon, c'est pas des personnages historiques. Enfin, non. Donc voilà. Ah bah. Voilà, voilà. Oui. Donc c'était mon petit coup de gueule. Et puis, non, mais c'est bien. J'aime bien, moi, tu entends un petit coup de gueule comme ça. Et ouais, ouais, voilà. Et bien, après, on aura un petit coup de douceur avec notre ami Onissa. Souvenir d'enfance. Avec un souvenir d'enfance. Le temps d'avoir une petite coupure musicale. Oui, avec Eighth Wonder et I'm Not Scared. Oui. Et on reviendra juste après avec Dire Straits et Walk of Life. Attends, Eighth Wonder, Patsy Kensit. Oui, bien sûr. Qui a joué dans L'Arme Fatale. Oui, absolument. Exact. Très jolie femme. Mais très mauvaise voix. Bon, elle chante pas terrible. Hein. Elle est meilleure actrice que ouais. Chanteuse. Oh, ça va, elle a quand même un beau brin de voix. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Okay. Je me rends compte qu'en disant ça, avoir un beau brin de voix, ça fait. Ouais, en fait, elle chante pas très bien. Ouais, elle a une voix de merde. Avoir un beau brin de voix, ça veut dire que tu un peu plus facilement. Elle chante, elle a une voix de merde. Elle chante encore plus. Ça veut dire que tu écoutes plus facilement quand t'as un coup dans le nez, quoi. Non, surtout quand t'as le petit vidéo, quoi. Alors là, t'écoutes la musique, t'écoutes plus les paroles, du coup. Allez, on se retrouve tout de suite après ça, c'est parti. I'm not afraid to die. turning all the night time into the day. Do the song about a seed of love and moon, and do the song about the night. And you do the walk, do the walk of life. And you do the walk of life. Et particulièrement pour les amis de 80 à l'heure, je vous dis bonjour, je vous aime, restez sur cette chaîne, c'est génial! À la clinique Les Épinards, à l'heure où le soleil décline, Thérèse tient sur sa poitrine son nouveau-né, son doux tétard. Alléluia! Alléluia! Son nouveau-né, son doux tétard. Alors ça n'a rien à voir, hein. Voilà, mais ce soir c'est quand même l'anniversaire d'un des animateurs de Chiffon Rouge qui fête ses 80 ans. Voilà, ouais. Donc Jean-Marie, qui nous écoute pas là pour l'instant parce que je crois qu'il est en train de fêter au bar, mais il fête dignement donc ses 80 ans. Printemps. 80. Ah, il fait peut-être pas ses 80 printemps. Il fait peut-être pas ses 80 printemps. Et ouais. Et oui, il peut en faire 81. Non, là, c'est 80 pile qu'il a. Pile tout poil. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais, forcément, on est au mois de mai, je suis con. Bah oui, c'est logique, bah oui. Bon, ça va, un flip 4. Hein. Mm-hmm. Bon, on n'a pas tous compris, mais ça va aller. Oui, non, mais bon, ouais, et ça va. Allez, on va avoir une chronique, je sens qu'il va être savoureuse, hein. Tout comme celle qui va nous en parler. Et moi, je sens qu'ils vont péter ma chronique. On n'est pas comme ça. J'y crois. T'inquiète, pas. Pendant que tu fais ta chronique, on va au bar. Je vais lui dire, voilà. Merci pour votre soutien, les garçons. Alors, Onissa va nous faire une. Maintenant, ça y est, c'est décidé. Tous les 15 jours, va nous faire une rétrospective. Ouais, un petit souvenir d'enfance. Voilà, un petit souvenir d'enfance, ou moins, puisqu'il y a certains dessins animés qui tournent encore aujourd'hui. Oui, j'étais étonnée qu'il était encore qu'il a été remis en 2012. Ouais, absolument. Franchement, ouais, je pensais que c'était fini parce que on arrête toujours nos. Allez, pour moi, hein, c'était souvenir d'enfance. Donc, maintenant, on est adulte. Enfin, moi surtout. Ben moi, j'en ai revu un autre, pas celui dont tu vas parler. Donc, je me permets de le dire. J'ai vu, il y a Nils Holgersson. Ah oui, il y a les oies sauvages. Ouais. Et alors, bon, c'est en 3D maintenant. Ah oui, c'était beau aussi, ça. C'est en 3D maintenant, et je trouve que ça a été complètement dénaturé, mais j'adorais Nils Holgersson au pays des oies sauvages. Et ça passait tous les dimanches. Oui, c'est vrai. Sur TF1 à l'époque. Absolument, c'était l'époque d'Ulysse et tout ça, Ulysse 31. Ouais. Mais donc, moi, je trouve qu'on n'aime pas qui réactualise nos dessins animés. Ah, pas du tout. Pas parce du que tout. C'est plus nos souvenirs. Par contre, quoi, les enfants de maintenant adorent ça. Non, détrompe-toi, parce que... de la génération, enfin, c'est pas la même génération que la nôtre, mais mon gamin qui a 10 ans, et c'est pour ça qu'il est passionné de train. Il aime pas Harold Lloyd. Il aimait bien. Histoire sans parole, il n'aime pas. Non. vous savez, mon gamin est un passionné de train, et il avait j'ai débuté ça avec. Ça n'a pas eu un grand succès en France, mais il y avait. Comment s'appelait le petit train bleu Thomas. Thomas de Tank Engine. Thomas le petit train, avec un visage sur le devant. Oui, mais c'est plus récent ça. Hein. Non, détrompe-toi, c'est très ancien. Les premiers c'était en Angleterre. Oui, mais pas en France. Mais ça, c'est parce que c'est venu en France comme toujours avec. On est d'accord, c'est des animés un peu numériques. Non, c'est pas justement. Je voulais y venir. Ah. Les premiers épisodes, parce qu'il y a 12 séries. Il faut savoir que le narrateur. Je vais faire une petite parenthèse. C'était donc narré par Ringo Starr. Des Beatles, oui, tout à fait. Et l'histoire est écrite par un prêtre. Et à l'origine, donc, c'était un, non pas un dessin animé, mais c'était de l'animation. Puis il s'agissait de petits trains à l'échelle HO. Et avec des prises de vue, donc, photo qu'est-ce par photo. Qu'est-ce que s'appelle HO, le train électrique que tout le monde connaît, le train électrique. Classique. Donc, c'était des prises de vue successives. Et les sur derniers... un vrai train électrique, en fait. Oui. Okay. Et changer la petite face qui souriait, qui faisait la tronche, tout ça. Ah, ça et par rien, contre, ça. Depuis, je crois, effectivement, les dernières séries, la série 11 et 12, ça a été numérisé au grand dame. Là, ça me parle. Même mon gamin n'aime plus du tout. D'accord. Et là où et il parle... Et par contre, ils ont fait un dessin animé. Parce que ça me dit quelque absolument, chose. Absolument, oui. Alors, ils ont fait un dessin animé. Vraiment, dessin animé. Mais il y a eu un... Les dernières séries sont... C'est ça que je connais le plus. Enfin, les dernières séries sont numérisées. C'est plus du tout les... C'est un véritable diorama avec un véritable réseau... Ah, je connais pas du tout. Ouais. Et tout ça pour dire que même un gamin, mon gamin qui a 10 ans maintenant, n'aime plus la nouvelle série. Il préfère carrément les anciens. Ok. Mais... Est-ce qu'il a connu justement ce dont on va nous parler, Onissa? Ah. Non, peut-être il est un peu jeune, mais pourtant. 10 ans. Oui, mais regarde, en 2012, ils ont remis en route la série. Mais de quoi tu vas nous parler? D'une de quoi petite orpheline de 5 ans. Ah, elle est orpheline, oui. Oh. En fait, elle a été recueillie par sa tante. Ouais. Qui travaillait comme gouvernante. Elle n'était pas chez son grand-père. Attends, elle a été recueillie par sa tante qui était gouvernante. Ouais. Et cette dame a trouvé un travail à Francfort. Et pour ne pas emmener la petite tout de suite, le temps qu'elle s'habitue, elle l'a confiée à son grand-père. Et il s'agit évidemment de Heidi. Heidi. Ah, oui. Ah, ça, c'est la version que je connais. Ouais. Et si ça rappelle des souvenirs, ça? Ça me rappelle des souvenirs. Ah, j'adorais, moi. Ah ouais. Puis en plus, le paysage était vachement beau. Ça se passait dans les montagnes. Donc, ça changeait un peu. C'est ça, en fait, le pitch, c'est une orpheline qui est recueillie par sa tante. Et quand elle va travailler à Francfort, elle confie donc la petite à son grand-père, qui est un homme très, très bourru. Bourru, oui. Oui, oui. Mais elle l'adoucit avec le temps. Oui, parce qu'il y a un secret de jeunesse, quoi. Il a tué quelqu'un dans sa jeunesse, donc il vit reclus dans les montagnes. Et elle va lui apporter Il a tué quelqu'un dans sa jeunesse. Oui, c'est ça, son secret. Ah bon, oui. Tu te rappelais de ça, Sherlock? Pas du tout. Si, ok. Je regardais pas trop Heidi, parce que c'était plus pour les filles, pour moi. Donc, ouais. Mais son grand-père, c'était Émile Louis, c'est ça? Oh là là. Non, commence pas. Ah, non. Hein. Et alors là, bon, elle rencontre Peter, donc. Qui est le fils de sa tante, dite. Moi, je savais pas que c'était son. Celui qui s'est maquillé avec Sloane. Ah, tais-toi. Ah non, vous n'êtes pas gentil. Donc, ils viennent à Annie et Ciela, et 2 ans après, elle vient reprendre la petite. Ouais. Elle l'emmène à Francfort, elle ne s'habitue pas du tout, parce qu'il y a une très méchante gouvernante, qui est contre. Et heureusement, cette riche famille a une petite fille paraplégique, Clara. Et, c'est vrai. Si. Et elle arrive à convaincre le papa de Clara de la laisser partir dans ses montagnes. Et un été, Clara va rejoindre son amie Heidi à la montagne. C'est vrai, je me rappelle. Et à la fin de l'été, quand son papa et sa maman viennent la rechercher, elle remarche. C'est beau. Mais oui, c'est beau. Non, mais sérieux, c'est beau. Et je me rappelais pas de tout ça, non, Sherlock. Moi non plus. Flipka, t'as connu quand même. Heidi, oui, mais je ne regardais pas. Bah, en fait, on garde l'image de la petite dans les montagnes, mais... Si, il y a une belle histoire derrière, comme quoi tu peux être riche ici et là, et que les valeurs premières sont la nature, la richesse du cœur, et que ça accomplit des miracles. Alors moi, une question. Heidi, c'est japonais ou pas, alors, finalement ? Non, attention, c'est tiré de deux romans d'une écrivaine suisse. D'accord. Suisse romande, probablement, non ? Non, mais sérieux. Oh, pardon, je pensais qu'il y avait un côté de cause. Parce qu'Heidi, c'est un prénom à consonance germanique. En Suisse, il y a trois langages. Oui, voilà. C'est ça. Oui. Et c'est pour ça que je pose la question, suisse romande. Oui, certainement, oui, puisque c'est quand même... C'est basé sur deux romans. Mais par contre, ça a été produit par les studios japonais. Oui, bah voilà. Bah, oui, non, c'est pour ça que... Fuji, Oui, ça a été produit par Yoko Enzo, le futur Nippon Animation. Animation. Ouais, bah, ils étaient forts pour ça, quand même. Ouais. Et alors, la première diffusion, ça a été au Canada. Après au Luxembourg et seulement en France en 78. Ouais. Et c'est toujours fait appeler Heidi ou pas ? Heidi, oui. Ouais. Je vois au Canada peut-être que. Ah ça je sais pas, j'ai pas l'info si ça a été appelé autrement. Par contre. Elle est née où ? Comment ? Elle est née où Heidi ? Heidi dans ses montagnes. Ouais mais où ? Dans les tables. C'est là qu'il fait le plus chaud. Oui mais dans quel pays je veux dire ? Ah j'en sais rien du tout. Tu vas me renseigner, toi, pour la semaine prochaine ? Tu chipotes, hein. Mais non, mais je voulais savoir. Sérieux, je me suis demandé de quelle origine elle était. Ouais, bah, oui. Suisse romande. Suisse romande, ouais. Suissesse, d'accord, ok. Les beaux alpages. Mm-hmm. Non, mais c'est vrai qu'en fait, t'apprends quand même... Tu veux ? Tiens. Non, mais moi, je t'écoute. En fait, la seule personne qui s'appelle pas... Heidi ? Mais non. En France... C'est les autres. En fait, la méchante gouvernante, elle s'appelle Rottenmeier. Ah oui, ça me parle. Et en France, elle s'appelle Rougemont. Pourquoi ? Je ne sais pas en version française. Après la Seconde Guerre mondiale, ça passe mieux, quoi. Bah, parce que Rottenmeier, Guttentag... Ouais, c'est ça, ouais. C'est peut-être possible, ouais. Ouais, non, mais quand même, c'était... Mais en France, ils ont tendance à franciser les noms aussi. Oui, pourquoi que elle ? Peut-être justement parce que ça avait vraiment trop une consonance étrangère. Ouais, peut-être. Et puis c'est pas un nom pour sortir non plus. Hein. Ouais, mais elle est méchante, de toute façon, on s'en fiche. Ouais, ah bah voilà. Quand c'est non, puis après, semblant de rien, avec. Alors j'en sais rien, mais peut-être qu'à l'époque, entre les relations entre l'Allemagne et la France, c'était pas forcément. Très bonne relation. Donc, allez, on va pas faire d'allusion, on va l'appeler. Comment tu dis ? Rougemeier. Non, Rougemont. Bah oui. Comme ils auraient pu l'appeler Courgeot. Aussi. Oui. C'est ça. Oui, et c'est par ça. Contre, c'est diffusé dans les Zouzous depuis 2012, le 25, sur France 5. Ouais, alors par contre, et là, c'est en 3D. Hein. Ah bon ? Ouais, ça a été refait en 3D. En 3D ? Ouais, un peu façon 3D. Non, tu veux dire en numérique, 3D. Ouais. Enfin, oui, en numérique, ouais. Parce que 3D. Faut avoir les lunettes, hein. Ouais, non, mais bon, ça. Image de synthèse. D'accord, ok. Ouais, moi, je trouve qu'il devrait laisser le dessin animé. On en revient à ce que on disait ouais, tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je trouve qu'on a nos. Comme avec Candy, qu'on a nos trucs. Bah, ceci dit, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, je le dirai quand même. Nous, on le dira aussi. Tu regardes les vieux dessins animés que t'adorais à l'époque, tu les revois maintenant. Ça a pris un coup de vieux quand même au niveau des couleurs, au niveau de voilà, ça dépend. Tu vois. Et même t'as des versions beaucoup plus épurées. Ouais. J'en reviens toujours à mon gamin et c'est vrai qu'il m'avait fait remarquer un truc. Il aimait bien Scooby-Doo. Ah ouais. Et là les derniers Scooby-Doo, je ne sais pas qui les dessine, toujours en dessin animé, mais franchement. Ah là c'est numérisé hein, carrément. Ah ouais, mais non, mais même les personnages sont beaucoup plus simplifiés. Et on retrouve plus les traits des dessins animés. Oui, on tient à certaines choses, moi je trouve. Et c'est lui qui me l'avait fait remarquer, j'avais pas fait gaffe. Et c'est vrai que c'est. Et lui, pareil, il préfère les anciens Scooby-Doo. Ouais, voilà, c'est ça. Je trouve une alors là, d'enfance. Tout à l'heure, je suis allé dans une grande surface, je suis tombé sur une BD, Lucky Luke. Ah ouais. Ouais. Lucky Luke. Et ben le dernier Lucky Luke, franchement, mais je vais inventer encore un nouveau mot, c'est d'une mochitude. C'est vrai ? C'est dégueulasse. Ah, ce sera dans la j'ai eu envie 2009, de vomir ça. Quand j'ai vu ce truc-là, quoi. Bah oui, mais c'est vraiment dégueulasse. Jolly Jumper, il ressemble à un cheval, mais plus réaliste. Ouais. Par contre, Lucky Luke, il a une tête de merde. Là, vraiment, c'est... Enfin, je crois que c'est plus les mêmes dessinateurs. Oui, mais ils doivent pas toucher à nos souvenirs d'enfance. Tu regardes Astérix, c'est plus Uderzo et Goscinny qui dessinent et qui écrivent. C'est des autres dessinateurs, mais ils ont repris le style. Tu regardes du Astérix de maintenant ou du Astérix d'il y a 20 ans, il a la même tête. Oui, mais ils ont peut-être mis des directives. Tintin, c'était pareil. Par tu sais, parfois, quand il... Quand, allez, il prévoit justement de ne pas dénaturer leur œuvre, quoi. Par contre, parce que ça fait partie de notre enfance. Quand on parle d'évolution, c'est vrai que Tintin, quand on regarde, même sur les planches, qui étaient en noir et blanc, dans le reporter du Petit 20e avec Tintin au pays des soviets, le personnage n'a pas beaucoup évolué, même sur les derniers, hein. Tintin les Picaros ou l'Alphard. Ouais. Par contre, tu prends un personnage dessiné par Franquin, tu prends le premier Gaston Lagaffe et les derniers, il y a une évolution phénoménale. Ah oui, oui, non, mais bien sûr. Bon, y a quelque part, il y a toujours eu la touche Franquin. Oui, c'est ça, il ne faut pas... En plus, je trouve notre génération, on est réfractaire à tout ça. Bah oui, mais excusez-moi les gars, hein, c'est un peu comme quand on reprend les titres des années 80 et on les remet au goût du jour avec de la musique, une chanson de un peu bien, techno, machin, et on te remet une sauce techno au-dessus, bah c'est un peu le même principe, c'est qu'on reprend un dessin animé et puis... Ah, on récupère les fantômes. Ouais, mais c'est plus choquant, je trouve, dans les dessins animés. Pour toi, ouais, pour mais moi, les enfants, peut-être que les enfants, bah, voient pas la différence et eux découvrent la nouvelle version. Non, mais je pensais pas, mais c'est pour ça que je... C'est une horreur, ça. Non, c'est pas possible. C'est pas vrai. Pas du tout radiophonique ce que je suis en train de faire. Je suis en train de montrer donc. Pas possible. C'est immonde. Alors je te jure, tu vas. Alors bah je vais le nommer. C'était à Auchan. Je suis allé à Auchan donc la V2 à Villeneuve d'Ascq aujourd'hui. Dans le rayon BD, il y a le dernier album de Lucky Luke. C'est celui-ci. Enfin le personnage, il est comme ça, donc il est dégueulasse. Alors, franchement. On explique radiophonique, parce que c'est radiophonique. Mais on est sur Internet. Il a toujours le même costume. Non, on est sur Internet. Ouais, alors, tu nous montres une photo, justement, de la dernière version de Lucky Luke. Oui. Ça n'a plus rien à voir. Pour ceux qui veulent aller voir, vous allez sur Google Images, vous tapez Lucky Luke, vous lancez la recherche, et là, on voit Lucky Luke qui est sur fond orange. Donc, on le voit sur le dos de Jolly Jumper. Et il n'a plus rien à voir avec le Lucky Luke qu'on connaît. Le nez, on dirait François Hollande. On dirait une patate. Quoi. On dirait François Hollande. Il est vraiment dégueulasse. Quoi. Ah ouais, non, c'est vrai. François Hollande sans lunettes. Ouais. Sérieux. Et j'ai vu ça tout à l'heure. Je me suis dit, non, c'est une blague, c'est une parodie ou un truc comme ça. Non, c'est ça. C'est le dernier Lucky Luke. Mais dis pas de bêtises, c'était dessiné par Goscinny. Par Maurice. Ouais. Enfin, oui. Alors c'est le scénario de Goscinny. À la base c'était Goscinny et Maurice. Ouais. Et je crois que Maurice a tout fait ensuite tout seul par la suite. Parce que Goscinny a lâché Lucky Luke pour faire les Astérix. Dernier mot sur Heidi, Onissa. Oui, ben moi ça m'a fait plaisir de revoir ça un petit peu. Et ça, écoute, ça nous fait plaisir. Hein. Et on en parlait hors antenne. Un petit coup de Rémi sans famille, ce serait pas mal. Oui, je te promets, je vais le faire. Mais alors là, tu vas nous faire pleurer. Ça va pleurer dans les chaumières parce que c'était pas un dessin animé très très gay quand même. Oui, mais il y a toujours dans le fond de l'histoire, moi j'aime bien creuser, il y a toujours un truc positif dedans. Ouais. Il puise sa force quand même dans... Enfin, on en parlera dans 15 jours, mais... Dans les sentiments humains. Donc le dernier Lucky Luke s'appelle Jolly Jumper ne répond plus. Ouais, bah le public non plus. Ouais, je pense qu'il va y avoir Je m'attendais à tout, ça va sonner. Honnêtement, non, c'est affreux. Quoi. Ceci dit, moi j'étais fan de BD, j'achetais régulièrement des Gaston Lagaffe. Oui. Quand je vois le prix des BD maintenant à 22 boules... Ah ouais. 22 euros la BD, là tu dis, tu réfléchis, tu dis waouh, c'est bon quoi. Moi pareil, je voulais les refaire avec la nouvelle série, hein, nouvelle reliure. En plus, c'est des rééditions qui, de manière, parce qu'il y a je crois 20 volumes à l'origine, et c'est un condensé à chaque fois de l'album précédent, de l'album suivant. Donc j'ai laissé tomber, mais c'est vrai que quand tu vois le prix des... Carrément. Oui, qu'avant c'était quelque chose pour les jeunes et c'était abordable quoi. Absolument. Eh ben écoute Onissa, merci beaucoup. Merci Onissa. Tu seras notre Heidi à nous. Ouais. Je suis pas prête de courir dans les montagnes. Mais non, on va te faire rouler dans les montagnes. Non mais ça fait du bien. Bah écoute, ça nous a bien fait plaisir. Donc dans 15 jours, je te fais Rémi. Allez, Rémi sans famille, ce serait super sympa. Ah, est-ce que ça me dit rien, mais peut-être. Ah si, je suis sûr que tu connais. Ah, c'est pas beau, je dis je ne connais pas. En plus, hein. Il a une voix exécrable. Oui. m'appelle Rami, je suis sans famille. Mais je suis super mal de mec. Le générique commence tout doucement. Ouais, et après, ça fait je m'appelle Rami. Tu l'as là ou tu est-ce que tu peux le sortir? Ah ouais, je peux sors-le. Alors, ça, c'est un générique que j'ai toujours trouvé, mais dégueulasse. Mais j'adorais le dessin animé. Tu te rappelles pas du générique? Bah pour l'instant, ça me dit rien. Oui, écoute, le générique, le début il est calme, il est sympa, il est machin. Et derrière, on se dit, mais ils ont embauché qui? Renaud? Non, mais je te jure. Ouais, c'est vrai que c'est dégueulasse. Et là, c'est dégueulasse. La voix, elle est dégueulasse. Ça fait ça. Regarde. Écoutez bien, le début, c'est beau. C'est beau. Ouais. Et après, dès que le gars commence à chanter tout seul, ça fait dégueulasse. Non. Ouais, c'était moche, hein, c'était moche. Ah ouais. Alors on vient d'avoir un appel justement de... Oui, deux pattes qui nous demandaient, ben donc c'était pour rebondir sur notre intervention par rapport au dernier album de Lucky Luke. Ouais, et on nous demandait est-ce que le Lucky Luke n'aurait pas été inspiré de Donald Trump. C'est possible. La couleur des cheveux, mais quelque part t'as pas tort. Pat. D'ailleurs, profitons-en et on le répète et on souhaite encore un très très bon anniversaire à Jean-Marie. Qui fête ses 4 fois 20 ans. Et qui a toujours la même pêche et le même humour, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on le voit, toujours sa touche. Il est intarissable. Voilà, absolument. Ouais. On parle de lui, il faut parler de lui de tout, d'humour, machin, pas de politique. Hein. Ah non, ça c'est l'émission d'avant. Voilà, mais en tout cas, bon anniversaire à Jean-Marie. Ouais, et puis à Pat aussi également. Il y a peut-être aussi Lionel qui est revenu chez nous là. Oui, je sais qu'il est revenu tout à l'heure. Voilà, il était là dans les studios. On le salue évidemment. Puis on salue Eddy et Laurent que vous retrouvez donc juste avant notre émission. Émission qui s'appelle donc Chiffon Rouge. Mm-hmm. Émission un petit peu plus en teinte politique. Et pourquoi pas, tiens. Là, il n'y a pas de souvenir d'enfance. Non. Si, bah, si. Bah, bien sûr qu'il parle. Ah bah si, il parle d'Arlette Laguiller, il parle de Robert Hue. Robert Hue. Mais là, il peut mettre en 3D, hein, c'est bon. Georges Marché, Che Guevara. Che Guevara. Bon, allez, merci à toi en tout cas, Onissa, ça nous a fait bien plaisir. On va continuer en musique parce que juste derrière, ça va être le Rétro Ciné 80 de notre ami Sherlock. Oui, ah, on l'a réveillé. On le réveille. Non, je t'écoute. Hein, ouais, mais en fait, il est troublé par Isabelle qui est venue nous rejoindre. Et c'est ça. Hein. C'est ça. Parce que quand on la regarde, elle a un petit air Aston et on a envie de dire besoin de rien, envie de toi. comme j'ai envie de personne. Tu sais, l'amour, c'est ta Vérone qui ressemble. Besoin de rien, envie d'Isabelle. On est en train de la faire rougir, la pauvre. Allez, qu'est-ce que tu nous as prévu alors? Alors, du AA avec Take On Me. Ah bah oui, tiens, c'est très bon ça. Et ensuite, on va revenir avec Tok Tok et Such a Shame. Oui, alors Such a Shame, j'adore ce titre. Bah alors, le clip. Oui. Il est vraiment une nazitude. Tiens, je viens d'inventer un mot aussi. Oui, une nazitude. Nazitude. Mais alors, il est naze le clip. Ce soir, les alors, la chanson, elle est superbe. Mais alors, le clip, le chanteur qui est comme ça, avec son bonnet. Ouais, c'est là, mon Dieu, c'est terrible, quoi. Mais c'est très bon. C'est très, très bon. Oui. Allez, bah, on s'écoute ça tout de suite, alors. Vas-y. We'll be right back. Such a shame. quelle honte. Ouais. Ouais, ça veut dire ça, hein, quelle honte. Hein. Mm-hmm. Ouais. Mais c'est excellent comme. Ah, mais moi j'adore. Excellent titre. Mais j'ai jamais compris pourquoi il y avait tous ces bruits d'éléphants, machin. Parce que ça n'a rien à voir avec les paroles. Hein. Non. Rien à voir avec les paroles. Et la pochette d'ailleurs, c'est un éléphant. Moi, le maxi que m'a servi, je me souviens. Il y avait une pochette où c'était un scorpion. Ah, possible. Ouais, mais c'est je m'en souviens en particulier, il y avait l'éléphant et effectivement, c'est vrai. À la première écoute. Et l'autre pochette, c'était It's My Life. Ah, ouais. It's my life. Voilà, c'était un scorpion, je m'en rappelle. Et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, tiens, et dites donc. Clip 4, Pet Shop Boys, il faut que tu. Pet Shop Boys. Talk. Ah, ouais. J'ai déjà fait une chronique. C'est vrai. C'était dans mes premières chroniques. Ouais, j'étais là, moi. Je suis toujours là. Lolo était là, je m'en souviens. Et je crois que t'étais pas là, effectivement. J'adorerais, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ouais. Et peut-être qu'ils tournent encore, d'ailleurs, Talk Talk, on serait étonné. Mais en même temps, ils n'ont pas fait 15 succès non plus. Hein, ouais, c'est ça. Mais ça a super bien marché. Pourquoi pas, on peut y revenir. Ah oui, il y a encore plein de groupes hein, du genre et de cette époque-là que j'ai pas fait. J'avais fait une liste hein, de. Mais il y en a plein. Et il y a un moment, tu m'as fait peur. Il y en a plein. Fais-moi chaud à croire, mais. Arrête d'être de mauvaise langue. La dernière fois, tu as fait. Oh, les années 80, j'ai fait le tour. Non, Sherlock est témoin. Ah oui, ouais. Il a dit, ouais, j'ai fait le tour. Non, j'ai pas dit, j'ai fait le tour. J'ai dit, si on veut, on a fait le tour. C'était par rapport au fait que je parlais aussi. Si tu veux, t'as fait le tour. Si on veut. Non, si tu veux. C'était par rapport au fait que j'ai parlé de groupes peut-être un peu moins connus. Puisqu'on sortait on partait dans les sentiers battus, c'était beaucoup moins commercial en fait que de groupes justement comme Toc Toc. C'est pour ça que j'ai donc ajouté, si on veut, on a fait le tour. S'il faut rester dans le truc commercial, ce qui a cartonné même à l'époque d'MTV, c'est parce qu'à l'époque, je me rappelle, j'avais fait une chronique qui avait cependant bien plu à Canon, c'était sur Big Country, qui ne connaissait pas et que tu ne connaissais pas. Et tu m'as parlé de groupes underground, alors que... Oui, non, mais je suis d'accord. Mais voilà, j'aimais bien alterner aussi avec des groupes qui ont toutefois eu leur place dans l'équipe d'MTV. Mais t'as des groupes qui ont fait un ou deux succès, absolument, tu vois, oui. Et derrière, ils ont eu une carrière phénoménale, et c'est intéressant de connaître... La fois dernière, je l'ai fait avec Stranglers, j'ai parlé d'un titre dont tu te souvenais, mais tout le reste, tu t'en souvenais pas. Mais non, et quand on les réécoute, on dit... Et parce que ce groupe est inclassable, en fait, puisqu'on a l'habitude de mettre des étiquettes sur les groupes. Pour les cataloguer, Stranglers c'est peut-être le groupe qui a eu le plus d'étiquettes et de même au niveau look au travers des albums, même les influences musicales. C'est vrai. Et ils ont touché un petit peu à tout. De toute façon, Flip 4 c'est notre George Lang à nous. Oui, mais on apprend toujours plein de choses. Moi j'aimerais bien que tu me fasses Aerosmith. Ah oui, tiens, demande. Metallica. Metallica, ouais. J'ai déjà fait. Et ben refait. Ah ouais, c'est vrai. Bon Jovi. Bon Jovi, j'ai pas fait. Il a aussi commencé dans les années 80. Hein. Ah, bien sûr. Brian Adams, ça a commencé dans les années 80. Brian Adams, j'ai pas fait, oui. Dalida. Ah, mais bien sûr. Il a commencé dans les années 80. Dans les années 80. Dave, il a commencé dans les années 80. Il y a encore d'ailleurs. Ah, bah attends, Hervé Villard. Bien sûr. Toi qui aime Cador, Capri, c'est fini. Reviens, on va vivre la main dans la main. Là, ça va être moins évident, je vous le dis. Mon PC, il prend pas, en fait. C'est écran français, donc... Ah, David Alexandre Winter. Lady Mary. Perso, je préfère Bloody Mary. Ouais. Non, Rod Stewart ou. Ah oui. Rod Stewart, j'ai déjà fait. Non. Je m'en rappelle pas. Ah, je m'en souviens. Ça me dit rien. Moi, rien du tout non plus. Sur une radio concurrente, t'as fait. Pardon ? Sur une radio concurrente, à mon avis. Peut-être sur Radio Caroline à l'époque. Peut-être. Ou sur Radio Libellule, j'en sais rien. Mais... Radio Libellule. Eh bien, ouais. On a dépassé d'un quart d'heure le timing. C'est vrai. It's now or never. This is now. Let me introduce you, the king of the cinema. Of the movies. Of the movies. Yeah. Of the movies from the 80s. This is. We are proud to present you. Yeah. I am proud to introduce you. I'm brute. Our friend, excuse me, your friend. A friend of yours, not mine. Yeah, Sherlock with welcome. The retro cine 80s. Yeah. Yeah. Et en anglais, hein, tu nous fais en anglais, hein. Those things! Those his name! come on board on the DeLorean. On the fucking DeLorean. Yeah, on the fucking DeLorean. And go to... 1080 and 90. Yes, because it is sorti in 1989. Just before, ouais. It is sorti just before in the US, but it is sorti en France un an après. And don't start to piss me off. Hein, donc. Et par contre, tu fais toute la chronique en anglais. Non, c'est pas si. Possible. Et non, on est écouté dans tout le monde entier. Hein. Bah, comme oui, dirait bah, Canon, bonjour les Français, bonjour les Canadiens, bonjour le monde entier. C'est voilà. Non, non, là je vais le faire en français. Ouais. Donc oui, effectivement, c'est un film qui est sorti... en France le 7 mars 90, mais qui est sorti aux États-Unis le 8 décembre 1989. Qui était un... Alors là, c'est pas non, gagné. Alors, je sais pas. Je sais pas. Pour le pour la sortie US, je ne sais pas. 8 décembre 89. 8 décembre 89. Et en France mercredi, en France, c'était un 7 mars 90. Donc oui, ça devait être un mercredi, effectivement. C'est la seule chose que je sais. Alors, la musique est de David Newman. Ouais, rien à voir avec Paul. Pas du tout, non. Rien... Bah, on sait jamais. Non, hein. non, ça n'a rien du tout à voir avec Paul. Et je vais vous passer un premier extrait tout de suite. C'est musical. Oui, c'est un extrait musical. Ouais, attends, attends, tu triches là, parce que d'habitude tu dis il a eu un Saturn. Ah bon. Alors, ok. Donc, le film, effectivement, a fait 949 133 entrées au box-office français. Pas mal, ouais. Il a eu un prix pour la musique. Ouais. C'était un BMI Film and TV Award. Alors là, chose la première qu'on... fois dont, dont ouais. tu n'en parles. Ouais, ouais. Et il a eu 5 nominations, notamment aux Golden Globes, au BAFTA et une nomination à l'Ours de Berlin. Ah oh. D'accord. Ça, non, non, alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, il y a un chanteur dans le groupe. Dans le groupe? Dans le film, dans le film. Non, il n'y a pas de chanteur. Non. Non, non, non. Non, non. Alors, vous voulez que je vous donne quelques noms d'acteurs, peut-être? Non, pas du tout. Pas non, du... non, non, tu nous fais une coupure musicale et puis on en reste là. Allez, alors, bah, bien sûr que je vous oui. fais, mais je vous fais écouter déjà le premier extrait, écoutez bien. Ça fait 6 fois que tu passes ce disque. Tu crois pas que ça suffit ? Merry Christmas, Bruce. Alors, est-ce que ça a un rapport avec un miracle ? Pas du tout. D'accord. Alors ça se passe à Noël déjà ? Pas forcément. Non, pas forcément. Non, non, non, non. Là, c'était pendant la période de Noël, cet extrait-là. Ouais. C'est le cast de Sesame Street qui chante. Ah. Donc c'est l'équipe, en fait, les marionnettes de... un rue Sésame qui ouais. chante We Wish You a Merry Christmas. Ah, donc c'est un film d'animation? Pas du tout. Ah, mais on voit tous les. Non, non plus, on ne les voit pas, on les entend, c'est tout. Ah, c'est les voix alors de. Oui, c'est ça, c'est les voix en fait de un rue Sésame. D'accord. Alors, je vais vous donner quelques noms d'acteurs. Il y a notamment Peter Donat, Peter Hansen, G.D. Spradlin. Heather Fairfield, Sean Astin. Alors Sean Astin, pour ceux qui connaissent Le Seigneur des Anneaux, c'est Sam Sagas Gamgee, le copain de Frodon, qui doit aller jusqu'en Terre du Mordor pour aller déposer l'anneau. Hein. C'est le petit qui est un petit peu rondelé. Hein. Ensuite, il y a Marianne Sagebrecht. Et ensuite, je ne vais pas vous donner les... Parce qu'il y a 3 acteurs principaux. Ouais. Je ne vais pas vous les donner tout de suite. Mais ça ne se passe pas à Noël du tout, alors? Non, il y a cette période-là, enfin, cet extrait-là. Il y a un moment dans le film, mais ça se passe à Noël. Mais oui, il y a juste cet extrait-là, d'accord. en fait. C'est une comédie? Oui, alors, une comédie, mais un humour assez noir, assez grinçant. D'accord, ok. Présentement. D'accord. Alors, d'ailleurs, je vais vous passer un deuxième extrait, écoutez bien. Bien, je crois que tout le monde a passé une bonne soirée. Qu'est-ce que t'en penses? Pour résumer, je répondrai non. Désolé, tu te perdais dans les détails, je me demandais si tu... Raconte tes histoires tout seul la prochaine fois, puisque tu tiens tellement à plaire à ces gens, pauvres cons. Ces gens sont mes patrons. Ceux de Gavin aussi, ça l'a pas empêché de se les faire tripoter pendant tout le dîner. Gavin ne se fait pas de soucis pour son avenir. Gavin n'a ni femme, ni enfant. Moi, si. À moins que tu veuilles continuer à vivre dans cet appartement. Parce qu'avec mon salaire actuel, je ne peux pas acheter de maison. En tout cas, pas celle qui nous conviendrait. Alors c'est vrai, je tiens à leur plaire. Alors, c'est un crime? Et cette façon de t'esclaffer. Je suis désolé, c'était un rire authentique. D'accord, je le reconnais, j'ai peut-être un peu forcé. Simplement, j'essayais de mettre de l'ambiance. Je J'espère que je ne suis pas passé pour un imbécile. L'espoir fait vivre. Il a le même rire qu'Onissa, en fait. Oui, c'est vrai. J'attendais celle-là, je te promets. Est-ce qu'il y a eu un numéro 2 Je ne pense pas, non. Non. Ça ne me dit rien du tout. Non. Parce que derrière, on entend la voix de Michael Douglas. Oui. Bah oui, bien. Évidemment. Donc bah là, oui. C'est l'un des acteurs principaux. Bah oui, et oui, et oui. Mais après. Eh oui, oui. Alors, Flipkat. Non. Donc sans regarder sur ton téléphone. Non, parce non, que non, tu, non, non, non. Parce que tu regardais justement la date de sortie. Donc c'est le, tout, 7, le 7 mars 90, c'était un mardi. Un mardi, voilà. Non, et non, non, pas un mercredi. Pas. Alors. Oui. Peut-être que Flipkat pourrait reconnaître par rapport à ce titre-ci. Écoutez bien. Only you can do make all this world seem right. Only you can do make j'adore les plateurs. Alors bon, il faut savoir que là, cette chanson, on la voit à la télé pendant le film. Donc, ils sont en train de regarder la télé et ça passe à la télé. Ah ouais. Oh bah ça nous aide vachement, tiens. Bah oui, là, forcément, c'est pas pour vous aider. Le but quand même c'est que tu nous aides. Bon, ok. Donc s'il faut vous aider, je vais vous passer cet extrait-ci, écoutez. Je vous lis, mon amour, au moment où tu recevras cette lettre, je ne serai peut-être plus là. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai, je te le dois. C'est bien ce que vous avez écrit. Si vous le permettez, maître, enfin je veux dire, pauvre merde minable, j'aimerais parler un instant avec ce qui me reste d'épouse, je vous prie. Bien sûr. Si on joue à celui qui est le plus infect des deux, c'est toi qui as gagné. En lui montrant cette lettre, tu as atteint des sommets dans l'ignominie, dans l'abjection et la sauvagerie que la bête la plus répugnante n'approchera jamais. Je t'aurais peut-être laissé la maison, mais maintenant, jamais. Tu m'entends? Tu peux faire une croix dessus. Tu n'auras jamais la maison. Est-ce que tu comprends? Tu ne l'auras jamais. C'est ce qu'on verra. Ouais, c'est ce qu'on verra. Est-ce que je peux faire un peu de pub? Vas-y. Si je dis Famille Flora. Oui, oui. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait... Si je dis Parti Socialiste, ça marche aussi. Oui, il y avait la fête des mères il n'y a pas longtemps, on en a offert. Ah hein, ouais, bah voilà, absolument. Bah oui, évidemment. Ah ouais, terrible ce film. J'adore. Ah oui. J'adore. Avec, évidemment... Le tout petit. Oui, le c'est lui qui réalise le film, c'est Danny DeVito. Exactement, qu'on voit dans Les Jumeaux avec Arnold Schwarzenegger. Ah oui, bah oui, évidemment. Donc c'est avec Danny DeVito et deux Danny DeVito. Et la dernière personne qui joue donc le rôle de la femme, c'est Kathleen Turner. Ah ouais, terrible ce film. Qui terrible. Joue également dans Le Diamant du Nil et ah à la poursuite du Diamant Vert. Et d'ailleurs, dans certaines situations, dans certaines disputes de couple, on utilise cette expression. On dit, tiens, vous êtes en train de vivre... Oui. Ça arrive, parfois. Ouais, ouais, ouais. Évidemment. Alors, ah oui, évidemment. Je vais vous passer encore un extrait. Alors attends, on a une auditrice qui est avec nous, Isabelle, hein, qui vient de temps en temps. Un indice, tu ne donnes pas la réponse, un indice. Sans donner la réponse, un indice. Qu'est-ce qui pourrait mettre tes camarades sur la voie? Sur la voie. Bah, je pense que c'est une histoire de couple et il y a un moment, elle fait. Ou lui ou elle, je ne sais plus, elle fait cramer le chien ou bouillir. Ah, mais justement, c'est l'extrait. C'est l'extrait que je vais vous passer tout de suite. Elle est dans le vrai. Elle lui fait goûter effectivement des sortes de biscottes avec du pâté. Oui, c'est ça. Alors, écoutez bien, c'est croustillant, on va dire. Si tu continues à refuser de t'en aller, j'aime autant t'avertir, je me sens capable de tout. Capable de tout? Qu'est-ce que tu feras? Nous sommes l'un comme l'autre conduits de façon horrible, mais c'était rien du tout. Pour l'instant, on n'a pas franchi le point de non-retour. Moi si, ce soir c'est fait. N'en suis pas convaincu. On ne peut être complètement mauvaise quand on fait un pâté pareil. Ça dépend de quoi le pâté en question est fait. Beigne. Ah, quel chien délicieux ce beigne. Alors là, Isabelle a raison, c'est le chien. Oui, alors il faut savoir que le chien, en fait, n'est pas mort. Hein. Ouais, non, mais... Elle en a rien fait croire. Du tout. Ouais, elle lui fait croire que a fait du pâté avec son chien à lui, parce que lui, en fait, quelques temps avant, avait écrasé son chat à elle. Ah, sans le faire exprès. Il ne l'avait pas fait exprès. Ça vous parle? Bah, Isabelle, ça la parle. Ça lui parle. Ah ouais, toi, Onissa ? Ça me dit vaguement quelque chose, mais moi, tu sais... Bon, alors, je vais vous donner le, mais justement, non, le synopsis alors, du le film. Alors, le pire, c'est... Oui, avec les... Attends, il y a une scène qui est, qu'on peut pas louper non plus, c'est avec le candélabre qui tombe. Bah oui, mais là, j'ai pas pu le mettre, c'est pas... Non, c'est pas... C'est radiophonique. Ouais, c'est radiophonique, ouais, mais c'est évidemment. Mais par contre, j'ai le thème du film. Il est connu. Moi ça me disait quelque chose. Après je vais vous le passer et je vais vous donner le pitch du film en même temps. Écoutez. Alors donc Oliver et Barbara mènent depuis bientôt 20 ans une vie calme et aisée. Leur petit bonheur tranquille tourne autour de leurs deux enfants et de leur maison qu'ensemble ils ont rénové et embelli avec amour. Tous deux ont la même passion pour les objets en général et les antiquités en particulier. Barbara a sa chatte, Olivier son chien, elle a sa cuisine, lui son atelier. Le meilleur des mondes possibles, il y a de ça. En tout cas jusqu'à la première alerte, la première fêlure, qui devient vite cassure. Alors un divorce à l'amiable, comme cela se pratique entre gens civilisés, bien sûr, à condition de se mettre d'accord sur un partage équitable. Et une maison, ça ne se partage guère. Dès lors, rien ne va plus chez... Les roses. Oui, les roses, effectivement. Et voilà bientôt la superbe demeure transformée en champ de bataille sur lequel Barbara et Oliver vont lutter en tête à tête et pied à pied jusqu'à sombrer dans la barbarie absolue, dans l'horreur totale. C'est vrai. Ouais, ça a l'air chouette comme film. Ça. Alors le titre, vous l'avez reconnu, Flip 4. Mais non, justement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est le pire, je vois les scènes, mais j'étais incapable de dire le... On va te donner le titre, tu vas dire, c'est sûr. Ouais, probablement, oui. Isabelle ? Je pense à la Guerre des Roses. Oui, bien. Ah bah, tu peux le dire, vas-y, tu peux le redire. La Guerre des Roses. C'est ça, voilà. C'est bien ça, la Guerre des Roses. Alors, quand on trouve une réponse ici, on paye une tournée, t'es au courant. Hein. moi, je suis pas prêt d'en payer. Là, c'est pour ça que je fais les chroniques et que je n'y participe pas. C'est pour ça qu'on y sait à chaque fois, je sais pas, je connais pas. À part mercredi... Donc, c'est encore ça mardi, on avait là, oui, voilà. Donc effectivement, c'est La Guerre des Roses, et donc il faut savoir que le film est tiré du livre du même nom de l'auteur Warren Adler. Et il faut savoir que le fils de l'auteur, donc Warren Adler, joue un petit rôle dans le film. Il joue le rôle de l'assistant d'un médecin, en fait. D'accord. Donc il faut savoir également que Cher avait été pressenti pour tenir le rôle de Barbara Rose avant que le rôle ne revienne finalement à Kathleen Turner. Oh, je préfère Kathleen Turner. Oui. Quand même. Ouais. Alors c'est la troisième fois qu'ils jouent ensemble, avec Danny DeVito et Michael Douglas. Donc il y a eu Le Diamant du Nil, à la poursuite à la poursuite du Diamant Vert et La Guerre des Roses. D'après Danny DeVito, la première version du film durait 3 heures et 4 minutes et dut être remontée pour faire moins de 2 heures. Certaines des scènes supprimées sont d'ailleurs visibles dans les bandes-annonces. Ah oui. Donc, ah, dommage. Quand on voit les bandes-annonces, on voit des... Ça, c'est la publicité mensongère. Ben oui et non. Si tu vois des scènes dans la bande-annonce et que tu ne vois pas dans le film, c'est, moi j'appelle ça de la publicité mensongère. Ben non, après, c'est... Le spectateur. C'est un scandale! Mais après, non, ça a été remis dans les bonus du DVD. Bah non, mais attends, tu regardes une bande-annonce et ce qu'il y a dans la bande-annonce, tu vas pas dans le film, tu vas pas être un peu frustré. Oui, mais ça change d'habitude, tu vois que ce qu'il y a dans la bande-annonce. Ouais. Ouais, d'accord, on va te mettre la bande-annonce de Gang Bang Extreme 18 et puis tu vas voir La Guerre des Roses. Ouais, on revient toujours au même. Bah voilà, non, c'est pas le même. Ça n'a ni queue ni tête, de toute façon, comme ça. Oui, ça c'est bien. Alors, il faut savoir que le titre du film est un clin d'œil à la vraie guerre des deux roses qui a ensanglanté l'Angleterre au Moyen-Âge. En effet, les maisons Lancaster et York se livrèrent une guerre de 30 ans pour le trône d'Angleterre et leurs symboles respectifs étaient la rose rouge pour les Lancaster et la rose blanche pour les York. Et c'est la famille donc, les Lancaster, enfin un des Lancaster s'est marié avec une York. Ça a donné la branche des Tudor. Et la branche des Tudor, c'est une rose rouge. Et à l'intérieur, il y a des pétales blancs. Oh. Voilà. Donc, dans une scène, on peut voir le personnage d'Oliver Rose découper les talons des chaussures de sa femme. Oui. Quelques années plus tôt, Michael Douglas et Kathleen Turner formaient déjà un duo dans La Poursuite du Diamant Vert, où Danny DeVito tenait également un rôle. Et déjà à l'époque, le personnage de Jack Colton, interprété par Michael Douglas, faisait de même avec les chaussures de John Wilder, qui était joué par Kathleen Turner. Ouais, ça fait chichiste des chaussures. Peut-être. Ah, il y en a, tu sais. Alors, lors de la scène où Michael Douglas, donc Oliver Rose et Kathleen Turner, qui joue Barbara Rose, sont assis sur le lustre, le réalisateur Danny DeVito a prétendu partir pour déjeuner alors que les deux acteurs étaient à 9 mètres au-dessus du sol. Il s'est barré, tranquille, en disant « Bon, c'est bon, on va déjeuner, on revient après ». Et puis bon, il est quand même revenu un peu avant, quoi, mais... connaissant le genre de gars, il doit être... Ouais, ça devait être un comique, quoi. Ouais, un petit bout en train. C'est quoi de le dire. Oui. Alors, il faut savoir que Phil Collins a été contacté pour composer une chanson pour le film, devenant finalement « Something Happened on the Way to Heaven ». De qui ? Phil Collins. Ah ouais. La chanson « Something Happened on the Way to Heaven ». Elle est connue. Était à la base, ouais, était à la base. Et tu vas nous la passer, évidemment. Ouais. Bah, je peux vous la retrouver normalement. Il faut que je la retrouve, mais il y a moyen. Non, bah tu le feras pendant la coupure musicale, hein, parce que le temps tourne. et donc, au moment où Phil Collins finissait d'enregistrer, l'offre de composition de la chanson pour le film avait été reprise. Donc, au lieu de cela, la piste peut être trouvée sur l'album de 1989 de Phil Collins qui s'appelle But Seriously. Et enfin, en août 2009, alors là c'est un fait réel, Richard Schenkman a tenu son ex-femme Nancy Tyler en otage pendant plus de 13 heures dans leur maison du Connecticut, après avoir été obsédé par ce film, en fondant certaines de ses actions sur le film lui-même. Heureusement, Nancy a pu s'échapper, et bien qu'il ait brûlé sa maison, il a été jugé et condamné à une peine de 70 ans de prison. 70 ans ? Ouais. Ah, c'est surpayé quand même. C'est parce qu'il y avait le chien ? Je sais pas. Il a tué son chien ? 70 ans. Ah, parce que sans le chien, il y aurait eu 2 ans de prison. C'est mais ça ? Non, mais c'est, bah, que la maison, attends, 70 ans. Donc vous vous rappelez quand même de la Guerre des Roses, évidemment. Oui. J'étais incapable de donner le titre, c'est ça que... Alors, Isabelle, je crois que ça a été la première à donner la réponse. Bravo, ouais. Isabelle. Ah oui, Isabelle, on peut la saluer et puis lui dire, ben, pour moi, c'est une Duvel. Mais c'est vrai que c'était un film qui est bien fonctionné, oui, quand même. Qui est bien fonctionné, c'est une belle comédie. Mais c'est un humour très grinçant. Et en fait, Danny DeVito joue principalement le rôle du narrateur. Ouais. En fait, ça se déroule un petit peu comme ça. Lui est avocat. Et il explique en fait à son nouveau client qui veut divorcer tout se passe pas forcément comme on le voudrait pendant un divorce. Et qu'il faut y réfléchir à deux fois. Et soit on essaye de faire ça vraiment à l'amiable, soit on remet ça dans les mains d'un juge qui décidera lui-même, ou alors on essaye de reconquérir sa femme. Et pour lui montrer un petit peu que tout ne se passe pas toujours comme prévu, il lui parle justement des roses qui étaient cependant un couple qui s'entendait adoré, à merveille ouais. Et qui finit... Je vais pas spoiler la fin, quoi, mais ça finit mal quand même. Hein. Ouais, plutôt, ouais. Bah, justement, tu vas proposer de partager le film. Et oui, bien sûr. Dès demain, vous aurez l'occasion donc de le revoir. Vous pourrez vous rendre compte de l'ascension de la démence de ces deux personnes dans le film. Mais je crois qu'il y a eu, pas des remakes, mais en tout cas des films qui se sont vraiment inspirés de la Guerre des Roses. Je pense, ouais. Il y a eu un film il n'y a pas longtemps que tu as parlé, ça fait à peu près genre là. Qui se battent aussi, je sais plus ce que t'es... Ah, Kramer contre Kramer. Ouais, c'était sorti avant et c'était... C'est dans le même genre. C'est juridique. Ouais, là, c'est juridique. Beaucoup c'est une bataille juridique. Ouais. Hein, c'est pas, c'était pour la garde de leur enfant. Ouais. Non, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ça me parle, de films qui ont été inspirés de la Guerre des Roses, mais peut-être français même d'ailleurs. Mr. et Mrs. Smith, là, non, avec Angelina Jolie. Ouais, voilà, c'est un peu plus violent. Ils se tirent dessus. Dans l'esprit, c'est un peu ça. Ah, l'esprit, c'est le même. Dans l'esprit, c'est un peu ça. Ah, oui, non, mais je te contredis pas. Bah, quand même légèrement, hein. Mais enfin, Sony. Sony ? Je sais pas, t'as écrit ton prénom sur ton casque. Ouais, bah, moi, j'ai un casque, d'accord. Et toi, c'est quoi ? Chour. Comment t'as dit ? Chour. Chour. Et on va tous s'appeler par notre nom de Sony, Chour et Sherlock Aldi. JVC. Ah, JVC. Et toi alors Et moi, s'il n'y a pas de marque. Inconnu. Ok, inconnu. Unknown. Ça marche. Eh bien, écoute, merci pour cette rétrospective, évidemment, sur la Guerre des Roses qui vous a forcément marqué. Et bravo, Isabelle. Et la semaine prochaine, on aura le droit à la Guerre des Boutons. Ah bah non, c'est année 2000 hein. Ouais, année dernière 2000, version année 2000 ouais. Et la première version c'était ouais, dans les années 70 ouais. Ou le nom de la rose pour continuer dans les roses. Ah, je l'ai déjà fait. Il l'a déjà fait. Je me souviens, oui. Ah oui, avec Sean Connery justement. Et c'était pas une connerie. Absolument. Avec l'un des acteurs qui nous a quittés il y a pas très longtemps d'ailleurs. Évidemment, tu vas m'aider. Hier aussi, il y a eu un acteur qui est décédé. Non, dimanche. Oui. Thibault. Roger Moore. Jean-Marc Thibault. Jean-Marc Thibault. Mmh. Ah, Jean-Marc Thibault, il est décédé. Oui, oui. Oui. Oui. Ce week-end, dimanche. 93 ans. Celui qui est 93 ans. Ouais. Oui. Ah, bah, j'étais pas au courant. Ah, si. Georges. Ah, j'aimais bien. Ah, ouais, j'adore. Ouais, 93 ans. Il avec Rosie. 93. Elle voit c'est Roger Moore, 89, je crois. C'est ça. Avec elle, ça vous. Ouais, c'est ça. Oui. Avec Maggie. Oui, oui, voilà, exactement. On est sous le charme. Ah oui, oui, Jean-Marc Thibault. Oui. Ah oui. Et c'était un duo à la base. C'était oui, Thibault. Roger Pierre. Et Roger Pierre, absolument. Ah si, ils étaient excellents. Qui faisait... Ouais. Ah ouais, ouais. Ah, ouais. Ah je sais pas, ah, je sais pas quoi. Si, et il y a un petit clin d'œil dans le sketch des Inconnus, Télémagouille. Ah ouais, pourquoi? C'est... Alors, c'est Nathalie qui dit oui, Jean-Marc Thibault. Ah, c'est possible. Parce qu'elle répond. Merci pour l'anecdote. Ah oui, mais désolé. Parce qu'elle répond toujours Stéphanie. Il y a eu de aussi Monaco, une anecdote dans un journal télévisé où il disait il y a un spectacle de Jean-Marc Thibault. Non, non, mais regardez le sketch Télémagouille. À un moment, elle parle. Ah, ouais, d'accord. Elle dit toujours Stéphanie de Monaco. Et à un tout moment, elle fait Jean-Marc Thibault. Ah ouais, ça va. Et avec Télémagouille, on s'en met plein. Les fouilles. Voilà. Ouais, absolument. Voilà. Ah, bah, alors, j'étais pas au courant. Ah, bah, je vous propose de faire une petite coupure musicale. Donc, oui. Justement, avec Phil Collins, c'est Something Happened on the Way to Heaven. Ah bah tiens, ouais, tiens. Ça m'a rappelé des souvenirs, ouais. Et ensuite, on reviendra avec Niagara et Assez. Bah, Jean-Marc Thibault aussi. T'as pas Jean-Marc Thibault, non? Ouais. Ah, le petit vin blanc. Non, c'est pas années 80. Ah ouais, tant pis alors. Tant pis. Non, c'était. Non, c'était pas ça. Jean-Marc Thibault, c'était Plombier Zingueur, là. Et là. Plombier Zingueur. Titana. À Joinville, le pont. Tonton. Tous deux nous irons. Ron. Chez Gégène, bah, c'était Jean-Marc Thibault et absolument, carrément. Mais c'était un super duo, ça. Mais c'était pas années 80. Ouais, mais c'était un beau duo. C'est vrai. Allez, on s'écoute donc Phil Collins et Niagara. Allez, c'est parti. Et puis juste après, Chronique de Phil 4, évidemment. We had a love, assez de Niagara. Et moi, j'en aurais jamais assez de Niagara. Ah ouais, en tout cas, que... Muriel. Ouais, je pensais que tu disais que t'en avais assez. Non. Ah, ouais, ouais. Ah non, sûrement pas. Muriel qui est devenue DJ maintenant, ouais. Qui tourne encore. Du côté de Toulouse, il me semble. C'est bien possible, ah, absolument. Parce que j'ai vu dernièrement, je crois que c'est du côté de Toulouse. Ouais. C'est bien dommage parce que. Et moi, je me rappelle quand même des clips. Elle était une belle femme. Ah, j'avoue. Je reconnais. Ouais, franchement, belle petite rouquine. Ouais. Franchement, bien. Ah ouais, je vais dormir dans la baignoire. Hein. En parlant de beau rouquin, Flip 4. Ah, tiens, c'est pas moi alors. Bah, t'as été rouquin avant, non ? Rouquemoute ? Non, jamais, moi. T'as été rouquemoute. Bon, bah, en parlant de grisonnant. Bon, ça ne mange pas. Bon, ok. C'est de petits gremlins. Il y en a qui aiment. Et je crois que tu mettais la musique de Philippe Cataldo, les divas du dancing. Je te jure que c'est... Hey, remets c'est le début. Non, mais remets le début. Remets le début. Remets le début. Attends, faut que... Hop. Un petit blanc. Ça vaut mieux qu'un grand noir. Non, pas vraiment, non. Non. Non, pas du tout, non. Là, c'est qui, là ? Pardon ? C'est qui ? ZZ Top, la grande, 74. Ah, oui. C'est comme vous voulez, tu vois. Bah, c'est toi le chef, là. C'est toi le chef de cérémonie, là. Donc, ben, comme tu me l'avais demandé, mon cher Harry... Tu te l'avais demandé. Tout le monde. Vous me l'aviez demandé. Vous me l'aviez demandé. Et franchement, ben, ça m'a fait plaisir, puisque vous vouliez en savoir plus. On va faire un complément, on va dire, on va pas reparler forcément de Radio Caroline, mais je vais apporter quelques précisions, puisque il y a eu des questions même après l'émission, hein, déjà hors antenne, qui avaient été soulevées. Et c'est vrai que ben, moi-même, en faisant mes recherches, j'avais découvert pas mal de trucs. Notamment, à la base, je pensais qu'il y avait qu'un bateau. On a découvert qu'il y en avait plusieurs. Alors, rappelle un peu, Caroline. Alors, justement, pour ceux qui nous, j'ai fait un petit rappel, un petit résumé. Ouais. Hein, pour les gens qui n'auraient pas suivi l'édition précédente. Radio Caroline, en fait, c'est une radio pirate britannique et anglophone. Alors, quand on dit anglophone, bien entendu, ça tombe sous le sens, dans le sens où elle passait essentiellement des programmes d'origine anglaise, ouais. De vedettes inconnues, même de groupes inconnus, et américaines, ouais, bien entendu. D'accord. Voilà. Hein, donc. Elle a débuté, donc l'histoire commence en 64 jusqu'à 80. On peut dire 90, mais 80 en tant que radio offshore, c'est-à-dire sur un bateau et dans les eaux internationales, puisque le bateau était ancré entre l'Angleterre et la France, en mer du Nord, dans les eaux internationales. Et justement, c'était une des questions que tu m'avais posées, enfin que vous m'aviez posées entre autres. Donc en fait, ils avaient l'autorisation d'émettre parce qu'ils étaient dans aucun pays. Non, on va y venir parce que justement c'est un petit peu ambigu parce que déjà la base radio pirate et c'est en fait c'est pas la raison première en réalité. On va y venir. Donc en fait ça mettait donc comme je le disais depuis un bateau pirate dans les eaux internationales en mer du Nord au large des côtes anglaises. Hein, il a plusieurs fois bougé d'emplacement. Il était plus proche des côtes anglaises que des côtes françaises. Et il avait été fondé donc par un homme d'affaires irlandais. J'avais donc brièvement nommé hein, le nom de O'Reilly. Donc en fait, je me demandais qu'est-ce que venait faire un homme d'affaires irlandais. En fait, c'est un jeune homme de 24 ans, en fait, tout simplement, et qui était déjà passionné de musique et qui... Il était déjà homme d'affaires à 24 ans. Ouais. Il avait toujours cherché justement à promouvoir des vedettes, des artistes qui étaient alors inconnus. Et on va un petit peu mieux comprendre pourquoi cette décision d'appuyer, de renforcer le côté de Radio Pirate. Alors son slogan, je l'avais dit, c'était « Real people, real music hein, », de la bonne musique pour les vrais gens en fait. Hein. Son secret, c'était de proposer toute la journée de la musique pop-rock, de stars et d'inconnus, que voulait lancer donc Ronan O'Reilly, qui était âgé donc de 24 ans, donc ça c'est en 62. Alors pourquoi ? Ben, parce que déjà en 62, la BBC était déjà en situation de monopole, c'est-à-dire que, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va très loin. La situation de monopole, ça impliquait également pour tous les gens qui étaient détenteurs d'un transistor de radio de payer une redevance, un petit peu comme nous. Directement. Oui, voilà. D'accord. Donc en gros, c'était elle qui avait mainmise sur la diffusion des programmes. Un peu comme le Sabam ici, quoi. Ouais. Entre autres, c'était pas beaucoup mieux, quoi. Hein. Et c'est elle qui décide un petit peu de l'orientation à prendre. Encore maintenant, oui. Ben, de toute façon, savoir, le BBC, c'est pas une station de radio. Il y a eu BBC 1, BBC 2, BBC 3, qui a fermé il y a 2-3 ans. BBC King. Et aussi, oui, qui est décédé, perd son âme. Donc voilà. Alors en fait, la station de radio, je l'avais dit, donc, émettait depuis un bateau qui s'appelait le Fredericia pour les fans, hein, pour ceux qui ont suivi la radio depuis ses débuts. Le Fredericia, c'était en fait, à l'origine, c'était un ferry qui avait été acheté donc, par l'homme d'affaires, hein, et qu'il avait baptisé le Friedrichia. Et beaucoup d'amateurs ont décidé de toujours garder ce nom de Friedrichia, puisque le bateau a pris ensuite la dénomination de Caroline. Caroline. Voilà. Le Caroline. D'où alors, Radio Caroline. Et vous allez me demander pourquoi, je l'avais dit la fois dernière, le nom avait une origine. En fait, Ronan, hein, l'homme d'affaires qui avait c'était créé la radio. Fille. Non. Il avait vu tout ça simplement en regardant une photo de John Kennedy qui regardait lors d'un bal sa fille danser, sa fille Caroline. Avec un commentaire, c'était paru dans un magazine. Et de là, avait décidé de baptiser la radio Radio Caroline. Voilà. Bien. Alors, donc, avant Radio Caroline, puisque ça n'a pas été... il faut savoir que ce sont les Néerlandais qui sont à l'origine des radios pirates. Il y a eu quand même, avant, les précurseurs, c'est plutôt les Anglais, mais toutefois avec une seule radio. C'était à l'époque, en 61, Radio London, radio pirate, la plus écoutée à l'époque. Donc, lui, cet homme d'affaires irlandais, Ronan, a décidé d'en emboîter le pas, tout simplement. Alors, pour répondre à ta question, effectivement, on va dire que dans un premier temps, il est mis dans une certaine légalité. Ouais. D'un certain point de vue, mais voilà, et de toute façon, oui, il n'était pas question de payer de quelconque redevance, déjà, et d'une, il n'était pas question de reverser aux auteurs des chansons, puisqu'ils ne demandaient pas mieux que de pouvoir se faire connaître. Bien sûr. Voilà. Ah, ouais, alors, ça, éventuellement, je peux vous expliquer, c'est que cet homme d'affaires, très rapidement, jusqu'à une certaine époque, jusqu'à 67, août 67, et je vais vous dire pourquoi août 67, il avait décidé d'aller voir les radios, on va dire légales, entre autres la BBC, pour proposer ce qu'on appelait à l'époque des acétates ou les maquettes qui étaient sur vinyle de groupes, d'artistes inconnus et qui voulaient promouvoir, faire connaître. Et très rapidement, il s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il s'est heurté en fait au côté très hermétique de la BBC, ouais, qui avait déjà opté pour un style de programme. Oui, c'est créneau. Ouais, voilà. Il est passé effectivement que de 1h à 2h, très tard le soir, des programmes rock, pop-rock, puisque c'était déjà une musique qui n'était plus au goût du jour. Hein, à l'époque, on assistait à l'avènement des groupes comme les Beatles et Rolling Stones. Oui. Ah, oui. Donc, c'était déjà plus une musique vraiment, on va dire, dans le vent. Toutefois, il y avait encore beaucoup de gens qui étaient restés dans ce style-là, notamment les vedettes qui provenaient d'outre-Atlantique, à savoir des USA. Alors bon, il ne s'est pas arrêté là, évidemment. Il est allé voir, à l'époque, Radio Luxembourg. Et là, il a été confronté à un problème, c'est qu'en gros, il s'est fait jeter. Et c'est à partir de là qu'a germé en lui l'idée de maintenir son idée de radio pirate. Alors évidemment, donc en s'établissant en mer du Nord avec son premier bateau, le Friedrichia, le Radio Caroline, enfin le Caroline qui est devenu Radio Caroline. Il était basé où, le Rafio en fait? Entre les eaux, oui. Entre le... Donc vraiment le no man's land, quoi. Oui, oui, tout à fait. Entre l'Angleterre, ouais, voilà, la France, c'était... Voilà. Okay. Vous voilà. Mais ça, c'était bien avant l'idée de devenir radio pirate et d'être dans l'illégalité. Bien entendu, ça donnait et ça fait germer d'autres radios pirates. Hein. Je vais vous en donner quelques-uns après. On avait nommé et évoqué brièvement, moi je me souviens notamment de Radio Véronica, ouais, et Radio, oui, Miamigo. Oui, voilà. Je croyais que ça avait un rapport, moi, alors, Caroline, oui, et Véronica, oui, en fait. Véronica, Miamigo ont en fait tous un rapport. Ils sont tous revenus ensemble. Je vais revenir si vous voulez. Ouais, ouais, ouais, je pense, ça, hein, parce que. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Parce que alors, justement, ouais, devant un tel, une telle florescence, puisque ça commence à, on peut le dire, pulluler. Il y avait Radio Atlanta, on avait, allez, je vais vous les donner, on avait Radio Search, Radio North Sea International, on avait Britain Radio, Radio Veronica, Radio Monique. Alors Radio Veronica Monique était essentiellement néerlandaise, c'est bon, néerlandaise. Radio Monique, Radio Miamigo, qui était également ouais, en néerlandais. Ouais. Hein, c'était exactement les mêmes bases de programme que Radio Caroline, puisqu'ils se sont associés, à savoir que même Radio Amigo a émis sur le Caroline. Oui, voilà, donc il y a une étroite collaboration. Ouais. Hein, et à partir d'une certaine soir, les programmes, notamment pour tout ce qui était animateur, étaient en néerlandais. Voilà. Alors Radio Miamigo, voilà. On a même eu Magdalena, tout ça. Et tout simplement, ben, il y a eu le gouvernement en place de l'époque avec un ministre donc qui s'appelait, alors que je vous retrouve le nom, à la limite, peu importe son, oui, Harold Wilson, qui avait décidé de faire voter par le gouvernement de l'époque en 67 une loi interdisant les radios pirates, et ce pour l'appliquer même en dehors des eaux internationales. Ah, donc voilà. Pour récupérer l'argent en fait, c'est sûr. Et donc, une fois, une histoire d'argent. Ce qui a fait, donc, en fait, ben, ça a eu juste pour réaction, notamment de la part du dirigeant de Radio Caroline, de renforcer sa conviction de devenir une radio pirate à part entière. Et tout simplement, bah oui, pourquoi les eaux internationales? Parce qu'ils ne pouvaient pas être attrapés par les autorités. Il faut savoir que durant toutes ces années, hein, toutes, de 64 jusqu'à 80, tant qu'ils étaient à bord d'un bateau, les seuls pouvoirs qu'ont pu avoir les autorités anglaises comme les autorités françaises et néerlandaises, c'était d'essayer d'attraper les équipes qui ravitaillaient les bateaux, oui, voilà, pour l'équipage. Hein, jusqu'à remonter également, notamment en Hollande, auprès de l'armateur du bateau, envers qui Radio Caroline était redevable, hein, puisque j'avais parlé de remorquage des deux navires, oui, tout ouais. simplement parce qu'à un moment donné, eh ben évidemment, devenant illégale, cette radio n'avait plus de moyens de subsistance. Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. Voilà. C'est le. Alors, plus de publicité, donc ça n'engrangeait plus de revenus. Revenus, ils avaient trouvé jusqu'à. Comment dire, se rapprocher de groupements catholiques pour diffuser des émissions catholiques, des messes, ouais, voilà. Alors en se faisant payer. Et cela, évidemment, n'a quand même pas suffi à faire vivre l'équipage, puisque c'était pas non plus, à mon avis, le style de la radio, quoi. Non, mais c'était un moyen de subsistance, parce que ça devenait franchement pénible. Il y avait un des animateurs de l'époque qui décrit, lors d'une interview, Alan Turner, pour ne pas le citer, hein, qui décrit qu'en fait la vie à bord est d'une austérité pas possible. Alors c'était encore en plus accru avec une bonne partie de l'équipage qui était composée de 10 personnes, principalement des animateurs, qui assurent la maintenance du navire, qui étaient les trois quarts du temps victimes de mal de mer, puisque bon, en mer du Nord, voilà, lors de tempêtes. Alors bienvenue sur RQC, 80 à l'heure. Donc voilà un petit peu pourquoi en eau internationale, tout simplement, c'est une manière à ne pas pouvoir se faire attraper. Mais une question, l'homme d'affaires qui a créé cette... Il faisait partie du monde de la musique ou pas du tout? Oui, complètement. Ah oui, d'accord. Voilà, il avait un côté rebelle, c'est ce que j'étais toujours essayé d'expliquer, c'est que lui voulait se démarquer de l'aspect commercial. Il en avait marre, quoi. C'était en général l'orientation qu'avait déterminé la BBC, même toutes les radios environnantes. Et il avait raison, il n'avait pas tort. C'est qu'il y avait d'autres artistes qui méritaient de se faire connaître. Et la BBC, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, en passant avec quelques maquettes, en gros, on l'envoyait, excusez-moi le terme, on l'envoyait chier, quoi. Et il a vécu le même scénario une fois qu'il s'est présenté à Radio Luxembourg. Voilà. Donc c'est à partir de là qu'il a dit, bon, ok, c'est décidé, je fais une radio pirate. Et il a voulu aller à l'encontre, notamment quand il y a eu ce décret en août 67, puisqu'il y a une radio concurrente à l'époque qui avait décidé d'arrêter purement simplement ses programmes le 15 août. Voilà. Et donc, c'était les radios London, je l'avais cité tout à l'heure, ouais. Donc pour entrer dans la légalité. Et c'est à partir de là que, tout simplement, Radio Caroline avait décidé de tenir tête. Et il faut savoir qu'en quelques semaines après son lancement, Radio Caroline avait quand même 7 millions d'auditeurs. Parce que c'était 6 999 000 près. Et c'était pas comme une sorte de défi qu'il avait voulu relever, qu'il a réussi à relever contre le pouvoir médiatique en place, avec notamment la BBC. Alors donc, j'avais parlé d'Alan Turner qui disait que les conditions de vie n'étaient pas si top que ça, hein, puisque c'était tout à l'intérieur du rafio était fait... Mais une question qui me traverse l'esprit quand même, parce qu'il faisait des interviews. Non. Ah d'accord. Non, il n'y avait jamais de... Les artistes ne venaient pas sur le bateau pour... Non, comme tu l'avais demandé, j'ai vécu... Oui. Non. C'était principalement musical. Ils se procuraient des ce qu'on appelait à l'époque les maquettes ou des galettes d'artistes totalement méconnus qui prenaient sur des petits labels. Par contre, je n'ai pas retrouvé. Il faut savoir que Riley avait également sa propre maison de disques. Un petit peu comme le label Motown qui a eu un autre succès. Donc là, ce n'est pas comparable, mais pour essayer de lancer tous ces vedettes, ces artistes. Alors, si je peux me permettre une question, parce que là, tu me parles de radio pirate. Oui. On peut parler d'underground, c'est ça. Complètement. Les titres étaient underground. Oui. Est-ce que les titres underground sont devenus des tubes après? C'est ça le truc. Oui, il y a quand même eu des gens qui sont passés par là qui étaient totalement inconnus. J'aurais dû en relever quelques-uns. Oui, il y en a eu. J'imagine, parce que Caroline, même moi, j'ai connu le Radio Caroline. C'est-à-dire que j'ai récupéré des bases complètes de titres Caroline. Il y a des compilations qui sont faites. C'est énorme. Comme Véronica, pareil. Oui, Radio Migo. Justement, on l'a oublié. On pourrait peut-être mettre à titre de rappel le jingle. Alors, par contre, tu démarques le 2 pour le jingle, ce sera mieux. serving the British Isles. 14 swinging hours a day. This is 199 Radio Caroline. 319 Radio Caroline. Mais voilà. Et c'est la classe, hein. On aurait ouais, des, c'était des, classe. Et on aurait des jingles comme ça. Moi, quand c'est ça, l'entendre, j'ai les ouais, frissons. Bon, après, c'est un peu des titres quand même qui datent des années 80, le jingle. Mais on aurait des jingles comme ça, ah ouais, c'est génial. Top, mais il faut ouais. voir la façon dont tout ça a été élaboré. Ça a été ouais. fait. Beaucoup de choses ont été faites à l'arrache. Alors, je l'avais dit également, c'est une station de radio qui émettait en AM. En AM. Ouais. Hein, en AM, en fait, qui est tout simplement. C'est un type de modulation, c'est modulation d'amplitude. Alors ça permet qu'on a, de. Qu'on a encore, hein. Oui, mais qui va disparaître. Sur mon poste radio, moi j'ai encore AM. Hein. Alors la seule différence, c'est que, ouais, effectivement, aussi, en termes de qualité, ouais. en termes de qualité, on ne peut pas parler de Hi-Fi. Ouais. Mais par contre, en termes de distance, on capte beaucoup plus loin, ça met beaucoup plus loin, toutefois avec une bande d'émission beaucoup plus étroite. D'accord. C'est ce que veut dire l'AM. Voilà. Et c'était aussi une des raisons parce qu'il ne disposait pas d'un matos suffisamment puissant pour émettre. Parce que bon, j'ai mis quelques photos hein, sur ma page. On voit le rafio avec un mât de fortune. Il faut savoir que c'était quand même un mât dans les premiers temps qui mesurait 70 mètres de haut. Wow. C'est plus haut que chez nous. Hein. Ouais. Jusqu'à ils en ont refait un puisque bon. Vous imaginez un peu ce que ça peut donner lors d'une tempête, la flèche. Ah ouais, il en... C'est ce qui fait que, ouais. entre autres, j'avais raconté comme le Véronica qui avait sombré ouais. lors de tempêtes puisqu'ils étaient ancrés dans l'eau. Donc maintenir ça avec un mât de 70 mètres, quoi, ce que ça pouvait donner à l'intérieur du graphique. Ah, c'est ça, c'est que pendant les tempêtes, ouais. par contre, en France, on l'entendait nickel. Hein. Le mât penchait vers la France, ouais. on l'entendait super bien. Ouais. Voilà. Le mât repartait vers l'Angleterre, on n'entendait plus rien. Ici, quand il pleut, on n'en entend plus. Donc, Et Dieu sait qui pleut en Belgique. Alors, j'avais ben non, dit... ça va, on est dans le sud. On avait parlé tout à l'heure d'autres stations concurrentes, pirates, qui n'ont pas forcément été toutes concurrentes de Caroline, hein, qui avaient des programmes toutefois différents. Une radio qui n'était pas déjà à l'origine concurrente, mais qui a très vite collaboré, je l'avais dit tout à l'heure avec Radio Caroline, c'était Radio Miamigo, ouais. qui émettait à partir du même navire, du même nom, Miamigo, dont j'ai également le jingle, ça c'est le troisième. Ça démarre. Ça chante au club de rouge. Ah oui. Ça j'adorais. Mi amigo radio. Alors c'est quelque chose qui m'évoque beaucoup de souvenirs parce que mon père avait encore, je le disais, un vieux poste à Langres de 53, à partir duquel il écoutait. Alors il avait écouté Radio Caroline et après Radio Mi Amigo. Et je me souviens de ces jingles quand je venais après le lycée, je venais lui dire bonjour dans l'atelier. Quoi. Donc c'est plein de souvenirs. Donc Radio Amigo, donc en fait était, je l'avais dit, tout comme Radio Caroline, composé d'une dizaine de membres, de DJs principalement. Hein. Alors il y a eu évidemment plein d'autres pour répondre aussi à ta question, Rafio, qui se sont implantés ouais. toujours dans les ondes internationales. Bien sûr. Je les ai mentionnés tout à l'heure. On avait Radio Such qui mettait depuis l'extérieur de la Tamise en extérieur des eaux territoriales de l'époque, donc dans les ondes internationales. Donc ils n'étaient pas sur la Tamise. Alors justement, c'est un truc qui m'a un peu interpellé, mais ça, j'ai pas trop la réponse. Sur la Tamise, ils n'étaient pas sur les eaux internationales. Ou alors. C'est ce qui est. Alors justement, c'est ce qui m'interpelle un petit peu. Là, éventuellement, je regarde un petit peu. Ça me paraît bizarre, mais enfin bon, c'est ce qui est écrit en tout cas. On a mentionné Radio North Sea International, qui était une radio offshore très puissante, plus puissante que Caroline, et qui mettait depuis un bateau qui s'appelait le Mebo, au large des côtes hollandaises, par contre. Donc en fait, il faut savoir que tous ces bateaux étaient ancrés principalement sur une bande dans les eaux internationales, dans la Manche, jusque... Oui. Ah non, mais continue. Ah non, je pense que tu voulais me poser. Oui, j'ai une question à te poser, mais après, j'attends que tu termines. On avait Britain Radio depuis un navire qui s'appelait le Laissez-Faire, qui a émis jusqu'en 67, justement, époque où ça commençait à être chaud. Ouais. Ce qu'il faut savoir, que même les autorités anglaises ont été jusqu'à créer un service avec des vedettes de police qui sont ancrées à distance, mais tout en restant dans la légalité, c'est-à-dire dans les eaux territoriales anglaises, ouais. pour observer le moindre faux pas de ces navires. Et c'est quand ils ont vu les premières factures, puisque ben, y avait une maintenance, il fallait payer le personnel, tout ça. La première facture qui est tombée, qui s'élevait à plus du million de l'époque, hein, de livres sterling, qu'ils ont décidé de stopper, puisque ça s'avérait complètement inutile. Et bien justement, Flipkat, moi la question que je te pose, c'est la thune, il l'a trouvée où? Parce qu'un rafio, ce n'est pas donné. Non, mais justement. Enfin, voilà, le matériel radiophonique, on le sait ce que c'est, ce n'est pas donné non ouais, plus. Ouais. Alors, ça venait de où tous ces fonds alors? Justement, c'est que c'est ça qui a fait que ben, beaucoup de ces radios, là, pour les premières que je vous ai citées, qui n'ont pas tenu très longtemps, en dehors du fait de ben, l'illégalité, hein. Il y en a qui ont décidé de cesser d'arrêter, mais c'est parce que justement il y avait tous ces coûts de maintenance, ils n'avaient pas les fonds, puisque même, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Radio Caroline avait contacté des groupes, ouais, si on peut appeler ça des groupes, pour passer diffuser à certaines heures des émissions en passant des chants religieux, des messes. Et se faisait financer de la sorte, mais ça ne suffisait pas. Donc, évidemment, ben, ça s'est gâté pour certains, hein, je l'avais mentionné la fois dernière, auprès des créanciers, puisque les rafios, il a fallu les acheter. C'était d'anciens ferries. Et les seuls qui ont remorqué, en réalité, les deux, le Radio Miamigo et le Radio Caroline, d'une part, le Miamigo, ça a été les autorités anglaises, enfin, pas les autorités, pardon, les créanciers anglais. Ouais. Et pour le Miamigo du côté hollandais, voilà, parce qu'ils n'arrivaient pas à payer les traites pour du rafio, tout simplement. Ouais. Bon, ce qu'il y a eu, entre autres, hein, je passe les détails parce qu'il y aurait de quoi faire un calendrier. Depuis 64, il y a eu des tempêtes qui ont mis à mal les bateaux, des pannes de générateurs. Alors, les bateaux qui étaient mis à mal, qui se sont trouvés échoués tantôt sur les côtes hollandaises, tout ça, ben, évidemment, ont été saisis. Il a fallu trouver les moyens, les finances pour racheter ces bateaux qui étaient mis en vente aux enchères, notamment le Miamigo, pour le remettre en mer, recommencer à mettre, racheter du nouveau matériel. Et il a été prouvé qu'effectivement, ils ont fait des émissions dans des conditions vraiment médiocres, ouais, qui étaient de piètre qualité. Un peu comme nous, quoi. Mais vraiment, ou des réparations de fortune concernant les mâts qui avaient été dématés lors des tempêtes. Et alors, et maintenant, tu as dit que normalement, c'était un projet de... Alors, justement, malheureusement, je n'ai pas trouvé plus d'infos. Pirate ou... Non. Caroline revient. Hein. Caroline revient. Caroline revient. Alors, non pirate, maintenant. Non pirate, ah bah non, ça c'est clair. Mais il joue sur le fun, que ce soit un bateau, machin, mais... Oui. Parce qu'il y a moins de groupes qui se sont revendiqués étant détenteurs du rafio, du Caroline, de relancer, de rediffuser le programme. Alors il faut savoir que sur la bande FM, Caroline le fait. C'est vraiment de manière sporadique, on va dire. Alors c'est annoncé longtemps en avance, mais ce sont des diffusions dans le temps de très courte durée, de programmes bien spécifiques. Donc par contre, je n'ai pas eu plus d'infos, mais je pense que ce sera effectivement toujours à terre. C'est pour ça que je disais jusqu'à 80, parce qu'il faut savoir que de 80 à 90, Radio Caroline a mis depuis un bateau à quai. Et donc là, je pense que ça partira des mêmes conditions, à partir d'amateurs et de bénévoles qui ont retapé le bateau, hein, qui avait été racheté depuis. Plus une passion, alors. Et toujours en émettant sur la bande FM, puisque la bande AM est condamnée à disparaître. Et voilà, donc ça n'aura, je pense, plus le charme de... Sauf quand t'as une voiture comme moi, parce que j'ai encore la M. Oui, j'ai même Pau Go. Un peu nostalgique. Ouais, oui, Pau et Go. Zone, grande zone. J'ai encore Pau et Go. La nostalgie. Ah, moi aussi, quoi, j'ai la nostalgie. Et ben, voilà, en gros, j'ai que j'ai plus creusé par rapport aux questions que vous m'aviez posées. Tu sais quoi, je vais te rapporter, et je te jure que c'est vrai, j'ai toute la base de données de Véronique. Ah oui, ça peut m'intéresser. Ouais. Et j'ai récupéré un pote un jour m'a dit, tu veux une base de données avec tous les titres oui, je veux bien. Des années 70-80. Alors ça, c'est 8 gigas, hein, je crois, sur un disque dur, et j'ai tout ça sur toutes les musiques de Véronique. Plaisir, et quand j'ai réécouté, il y a des titres qui aujourd'hui sont des succès. On en parlait tout à l'heure. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis. Voilà, c'est qu'à l'époque peut-être. Oui. Effectivement, c'est pour ça que je te pose la question. Mais j'en avais la certitude, mais c'est que effectivement. À l'époque, j'avais pas de titres à donner. Ouais. Mais il y a des titres, mais ils sont super connus. Alors évidemment, on reste sur l'année 70. Début année 90, début 80. Oh, même dans les 80, il y a eu. Pas tant que ça, je pense. Hein, mais en tout cas, je l'ai. Et je te la ramènerai. Justement. Avec plaisir, je te ramènerai la base de données. Ah, mais avec plaisir. Et elle est vraiment géniale. Et pour répondre un petit peu et conforter un petit peu ce que tu viens de dire, au niveau de. Ben justement, on parlait des radios underground et de vedettes qui sont passées par ces stations de radio, qui sont connues aujourd'hui. Je vais vous en citer une dans les radios qui étaient pirates, radio offshore. On avait Voice of Peace, qui était une radio soutenue par John Lennon. Et oui. Ah, et ce bateau avait emmené et mouillé au large des côtes israéliennes. Il a émis quand même donc de 73 à, tenez-vous bien, jusqu'à 93. Pourquoi 93? Ben, depuis les événements. Ouais. Entre israéliens et voilà. Mais entre donc c'était que quand même des gens comme les Beatles, notamment Lennon, avait trouvé un Je pense que derrière il y avait des messages. Voilà. Il y avait des artistes qui disaient ouais, vas-y, je te mets autant, évidemment. Mais... Et ça venait bien contrer. Parce que le... bah, la BBC, en fait, c'est, ouais, c'est un monopole, c'est un dictat. Mais il y comme, avait... ici, hein, comme ici, hein, comme en Belgique, hein, faut pas chercher. Oui, hein, oui, il y a un monopole. Même. C'est que, on rappelle quand même qu'il y a encore, vous étiez pas là, mais il y a encore 10 ans, les radios pirates, on les saquait toutes. Mm-hmm. Toutes, il y en a eu plein, hein. Il y en a au moins une dizaine ici dans la région qui sont mortes. Ah, mais il faut savoir que ça, c'est. Il fallait faire patte blanche, et une des seules radios qui est restée radio officielle, c'est RQC, et c'est vrai. Oui, tu avais mentionné. Et je remercie André, André, qui a œuvré pour ça, et aussi évidemment Rico, qui se sont battus pour que cette radio existe encore aujourd'hui, pour qu'elle devienne officielle, et qu'on soit donc reconnu par la SABAM. Donc l'équivalent des SACD en France, pour que on ait une vocation, je sais pas comment expliquer, mais qu'on bénévolat, existe encore. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, pas contrainte. Et je reviens sur ce que tu dis. Vous avez pas connu ça, je n'ai pas connu ça non plus. Mmh. Mais la radio RQC se partageait deux fréquences. Vous l'avez connu ça quand même. Oui. Ben non. C'est-à-dire que nous, on émettait RQC, on émettait de telle heure à telle heure, et ensuite on basculait sur une autre radio. Eh bien voilà. Une autre radio, alors de mémoire, je crois que c'était Libellule, si je ne dis pas de bêtises, et on basculait sur une autre radio, et on avait le droit jusqu'à la matinée. Allez. Et l'après-midi, c'était une autre radio sur la même fréquence, oui, parce qu'on était radio pirate. Ben, c'était le cas de Caroline qui a partagé l'antenne avec Miamigo qui est devenue après une station radio bien distincte, qui toutefois émettait du Caroline. Mais émettait donc sur la même fréquence. Alors, il y avait tout à l'heure, je mentionnais Radio Monique, qui était une radio néerlandaise. Ouais. Elle prenait la relève des programmes du jour de Radio Caroline au soir. Ah oui, ils avaient chacun leur créneau. Ouais, mais, oui, elle utilisait, puisque bien souvent, on partageait les mêmes fréquences. C'est pour ça, quand on dit qu'elle n'était pas forcément concurrente, elle se relayait et parfois elle travaillait. On l'a vu avec Miamigo et Miamigo. C'est très complexe, hein, je veux dire. Si je commence à détailler ce qui est arrivé à chaque bateau, pourquoi telle station a arrêté, elle a pris tout à l'heure. C'était l'époque des radios pirates. Et on a fait partie, on était radio pirate jusqu'à il y a 15 ans. Et on a été officialisé. Et à l'époque de la radio pirate, il bougeait. On a émis dans des cafés. Fallait brouiller les pistes. Dans des cafés. Sympa. Oui. Ouais, j'ai pas connu ça. Mais si André avait été là, je pense qu'il devait. Et son âme, parce que moi j'adore André, il t'aurait expliqué, il t'aurait dit, mais on pouvait pas émettre de n'importe où. Donc on bougeait un peu partout. Et on émettait parce qu'on adorait ça. Et un jour, on a été officialisé. Et aujourd'hui, RQC est une radio officielle. Alors, voilà. Pour conclure, justement, parce qu'on parlait de ce côté pirate, il faut savoir que tout a démarré à cause, puisqu'il n'y avait pas que l'Angleterre qui avait des radios pirates, puisque la France a emboîté le pas, peu de temps après cet amendement-là du gouvernement anglais, en 67, pour promulguer une loi également, voter une loi contre les radios pirates. La Hollande a suivi. Parce que principalement, c'est des radios. Il y a un directeur, un armateur français qui s'est fait gueuler pour approvisionner justement. Donc je veux dire, on comprend mieux. Question de thunes, mais cherche pas. On comprend mieux ces histoires de changement de bateau, de changement de nom, de revenir, pour embrouiller les pistes aussi. Ouais. Philippe, je reviens très vite parce qu'après il faut qu'on avance. Mais par rapport à ce que tu disais, je reviens sur ce que j'ai pu entendre dans l'actualité et même de la propre bouche de certains artistes. C'est qu'aujourd'hui, avant, il y a quelques années, voilà, la SACEM c'était important, SACD en Belgique, avoir les droits d'auteur, tout ce que tu veux. Et aujourd'hui, ils s'en foutent quoi. Le but, c'est faire du concert, c'est se faire connaître. C'est faire plaisir, ouais. Et de moins en moins, les artistes, aujourd'hui, recherchent des droits d'auteur. Ils s'en foutent. Mm-hmm. Ils s'en foutent des droits d'auteur parce qu'ils se disent, c'est pour gagner 10 centimes du passage, machin. Ouais. Et ils s'en foutent complètement. C'est de vendre leur album, c'est de se produire sur scène. Ouais, de prendre du plaisir. Et donc, et les radios pirates, finalement, pour le coup, aujourd'hui, bah, tu peux être une radio pirate, on s'en fout. Tu fais de la promo pour quelqu'un. Là, on fait de la promo pour Sarah Lothor aujourd'hui. On fait de la promo pour plein de gens. Sarah Lothor nous dit carrément, je m'en fous. Si je suis pas rétribué au niveau de la SACEM, donc de la SABAM en Belgique, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est me faire connaître, c'est voilà, qu'on vende mes albums et que je me produis sur scène. Parce que quand tu sais ce que gagne, oui, à part certaines personnes qui, ouais, on va pas parler de Patrick Hernandez qui gagne des sommes folles, mais les gens, ils, on parlait de Sabine Paturel, tu te rappelles? Tu te rappelles combien elle gagnait par an? 500 euros. Ouais, ouais, c'est que dalle. 500 euros par an pour les bêtises. Honteux. Bah, 500 euros. Elle était juste interprète. Elle était juste interprète. Donc ouais, elle gagne 500 euros par an. Elle gagnait rien du tout sur le. Ça fait 40 euros par mois. Bon, ok, t'as fait un succès dans les années 80, tu touches 40 euros. Ah non, moi, ce qui l'intéresse, c'est d'aller sur scène. C'est de se produire, vivre sa passion. Voilà, c'est un artiste, il veut c'est de gagner 10 fois plus que si elle se contentait de faire écouter ses titres. On les fait passer parce que ça nous fait plaisir. Mais en fait, c'est ça aujourd'hui. Mm-hmm. Donc le côté un peu ça sème, le côté ça bam, le machin, c'est fini tout ça. Donc voilà. Bah écoute, c'est intéressant. Bah voilà. Super. Et bah écoute, merci à toi. Merci pour Caroline. Bah, et tu pourras encore plaisir. Dire plein de choses. Ah, mais j'ai encore découvert des trucs, mais. Et je te donnerai, ça va être l'embrouille après. Et je te donnerai le disque dur de Caroline. Ah. Je te promets, j'ai 8 gigas. À mon avis, je vais découvrir des titres. Waouh! Ah ouais, tu les connais, c'est sûr. Hein. Je les connais pas tous, moi. Mais Non, je vais même découvrir d'autres trucs, mais je vais m'étonner de retrouver là-dedans. Les jingles que tu as fait écouter, je les ai entendus. Ouais. Et je me ferai un plaisir de te faire une clé là, 8 euros. Ça y est, les Mopecho. Ouais. C'est bon, elle a fini. On a le droit de parler entre potes. Oui, mais nous on est là aussi. Non, mais toi tu t'incrustes. Mais moi je m'incruste toujours. Non, oui, mais on aime bien quand tu nous incrustes. Ah oui. Là on peut y 10h15. Bon, Sherlock, oui. Petite copain musicale, et puis derrière, tu vas nous donner envie d'aller au Cinoche. Bah, j'espère ou bien. Pas. Ouais. Voilà. J'espère. Alors, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais elle a pas tort. Hein. Je vous parlerai d'un succès que j'ai vu cette semaine. Un film à ne pas louper. Ah oui. Ah ouais, L'attaque des Donuts Tueurs. C'est génial. Tiens, en parlant, je pense qu'il y a un film, puisqu'on parle de. On a fait allusion à l'Angleterre. Ouais. Un film qui est sorti aujourd'hui, je ne sais pas qui va en parler. Et qui me tente bien de voir. Je ne vais pas en parler. Mais tu vois lequel? Mais ouais, c'est Churchill. Ouais, voilà. Churchill. Bah, c'est dommage parce que je reviens. Rapport avec Wesson? Ouais, ouais. Ah ouais, c'est un biopic. Vu les images de présentation. Un biopic sur Winston Churchill. Alors, je serais curieux de savoir qui a fait les. Moi, j'adore ce mec parce qu'il a dit pour rester en bonne santé, il ne faut pas faire de sport. J'adore. Bon, et ben, on va se retrouver tout de suite après les Pet Shop Boys et Domino Dancing Prince avec When Doves Cry. Et attends, et déconne pas, je suis certain qu'Onissa va nous faire du flamenco. Là. Ah, j'adore. Vas-y, fais-nous du flamenco. Mais ça se verra pas. Hein, non. Allez, bah, ouais, ça fait vas-y. Pas très, C'est parti alors. Vas-y. Thank you.

What R2D2, what do you say? You talking to me? Talking to me? You fuck my wife? C'était la voix de qui là? C'était la voix de Niro. Ouais. Dans Star Wars. Ouais, bah écoute. Ouais, c'est un inédit en fait. C'était un caméo. Fais la voix de Harrison Ford, ce serait mieux. De qui? What R2D2? You're talking to me? What? You fuck my wife? Donc, je vais vous parler des sorties cinéma. Donc, pour demain, pour la Belgique et la France, je vais commencer avec la Belgique. Mais de toute façon, le film sort également en France. Donc, c'est un peu con. Non, c'est mais, Sherlock. Voilà, c'est ça. C'est tout moi. Alors, donc, je vais vous parler donc, d'un film qui s'appelle Conspiracy. En Belgique, ça va peut-être sortir sous un autre nom qui s'appellera peut-être Unlocked. Ah ouais? Ouais. C'est avec Noomi Rapace, Orlando Bloom et Michael Douglas, dont on parlait tout à l'heure. Ah tiens, il y a rien. Oui, bah, il était déjà revenu dernièrement dans un film, c'était dans Ant-Man. Ouais. On l'avait aperçu dans ce film. Et il a repris une certaine santé parce que. Oui, ouais, c'est vrai que pour un moment, il était pas très bien. Il avait une sale tronche à un moment et là, il est revenu. Je crois qu'elle est bien soignée quand même. Ouais, là, ça va. Ouais. Et donc, c'est un film de Michael Apted, donc ça sort également en France demain. Et donc, c'est Alice Racine, qui est une ex-interrogatrice de la CIA, qui est rappelée par son ancien directeur Bob Hunter pour déjouer une attaque imminente sur Londres. Horticultrice, évidemment. Oui, Racine. Oh non. Et donc, face à un adversaire brutal et tentaculaire, Alice reçoit l'aide providentielle de son ancien mentor, Eric Lash, donc, qui est joué donc, par Michael Douglas. Ah. Et un des membres des forces spéciales, Jack Alcott, qui lui est joué par Orlando Bloom. Mais elle réalise rapidement que l'agence a été infiltrée, trahie et manipulée. Elle va devoir inventer de nouvelles règles pour faire face à cette conspiration. Les critiques en parlent un peu comme la nouvelle Jason Bourne au féminin. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est dans le même style. C'est là où il y a 3 ou 4 épisodes. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, okay. C'est ouais. Ça, il y en a eu 4. Enfin, même 5 si on compte le spin-off. Ok. Là, bon. Je te dis spin-off, tu me dis encore un autre mot. Que je ouais. Il n'est pas dans le dictionnaire, celui-là, je crois. Spin-off, c'est avant? Non. Non, ça, c'est préquel. Ah, d'accord. Ce qui est après, c'est le sequel. Ouais. Le spin-off, c'est. Ils prennent. Un élément du film et ils en font un autre film. Ah oui, c'est un peu comme les animaux fantastiques. Ouais, voilà, c'est ça. C'est les animaux fantastiques, c'est un spin-off de Harry Potter. C'est ça. Yes. Voilà. J'ai trouvé. Très bien. Ouais. Alors, ensuite, Marie-Francine. Marie-Francine. C'est un film de et avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit et Hélène Vincent. Ça sort également en France demain. Donc c'est l'histoire de Marie-Francine qui est trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot. Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents à 50 ans. Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir qu'elle va enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, c'est dur ça, sans oser lui avouer, est exactement dans la même situation qu'elle, sauf que lui, par contre, ses parents sont plutôt d'un milieu pauvre. Donc comment vont faire ces deux-là pour abriter leur nouvel amour sans maison? Là est la question. Il faut savoir que le dernier film de Valérie Lemercier n'avait pas fonctionné du tout. Bah, le deuxième non plus, à mon avis. Elle en avait fait plusieurs, ouais, notamment ouais. Il y avait c'était Palais Royal. Palais Royal. Qui avait très bien fonctionné. Il y avait. Le garçon aussi. Hein, Le garçon. Le garçon. Ouais, le garçon. Ouais. Ouais, jouer le rôle d'un garçon. Ah, ça me dit quelque chose, oui, ça, oui. Ça me dit quelque chose aussi. Ouais, moi aussi. Il y avait aussi. Attends, c'est le Cléry ou quelque chose comme ça. Où elle était elle est noire, en noire. Black, ouais. Ah, ouais. Ça, ouais. Ça avait très bien fonctionné. Mais alors, le dernier film qu'elle a fait un flop. Et là, bah, c'est en gros un petit peu le un remake du flop. On va dire la dernière chance, quoi. Mais j'ai vu la bande-annonce, ça m'a pas attiré du tout. Alors, je sais pas si. Le film est à l'image de la bande-annonce ou si au contraire il faut s'attendre à du bon. Avec un titre pareil, excuse-moi, mais. Mais enfin. Ouais, avec c'est quoi déjà tout, rien. Marie-Francine. T'as envie d'aller voir le film Tiens, sors, je t'invite à voir Marie-Francine. Bah alors le film que tu veux nous parler après, laisse tomber. Hein. Chut. Donc vas-y. C'est quoi après? Bah, le film dont je vais parler après, non, c'est... Non, c'est pas lui, c'est toi que je parle. Oh, punaise. Bon, oui. Donc je vais vous parler par contre de The Jane Doe Identity. C'est avec Emily Hirsch, Brian Cox, Ophelia Lovibond. Et c'est un film de André Ovredal. On n'a pas encore de date pour la Belgique. Donc c'est un film qui est un peu thriller, horreur. C'est avec des esprits et tout ça. Donc, oh, style quoi ? Style horreur, c'est ça ? Non, horreur. Ah, horreur, pardon. Horreur, horreur, malheur. Ah oui. J'adore. Donc, quand la police leur amène le corps immaculé d'une Jane Doe, donc Jane Doe, c'est l'expression désignant une femme dont on ignore l'identité. Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Oui, c'est comme John Doe. Mais c'est pas encore dans Larousse 2018. Je pense pas, non. Donc, venir. Tommy Tilden et son fils, médecin légiste, pensent que l'autopsie ne sera qu'une simple formalité. Au fur et à mesure de la nuit, ils ne cessent de découvrir des choses étranges et inquiétantes à l'intérieur du corps de la défunte. Comment vont faire ces deux-là pour abriter leur nouvel amour ? Mais non, j'ai repris le truc de dessus. Mais je dis n'importe quoi. C'est parce que je vous regarde en fait en train de vous chamailler. Mais non, on chamaille pas. Mais si. On s'aime. Mais oui, mais. En pleine salle d'autopsie, comment on est ? C'est pour voir si vous suivez. Mais on suit, mais bien sûr je suis. On suit, bien sûr. Donc je suis, tu es, il est. Donc au fur et à mesure de la nuit, il ne cesse de découvrir des choses étranges et inquiétantes à l'intérieur du corps de la défunte. Alors qu'il commence à assembler les pièces d'un mystérieux puzzle, une force surnaturelle fait son apparition dans le crématorium. Oh, quelle horreur. Mmh. Un film d'épouvante. Ouais, c'est ça. Enfin, épouvante, thriller, enfin c'est... C'est gore. Je sais pas, j'ai rien vu de sanguinolent. Enfin, si, forcément, quand il découpe le cadavre... Non, mais ça, c'est pas sanguinolent, moi j'aime bien ça. Mais c'est tous les trucs des esprits, moi j'aime pas ça. Arrête de parler de tes règles comme ça, là. Oh, c'est dégueulasse. C'était cette semaine, en plus. Oh, mais on non, savoir. Merde oh. Ah bah, c'est la mauvaise semaine, c'est tous les 28 jours, les garçons. Hein. Ouais, bah bon. Écoute... Et donc, je vais finir avec un film qui s'appelle Drôle d'oiseau. C'est avec Jean Sorel, Lolita Chama et Virginie Ledoyen. C'est un film de Élise Girard. On n'a pas de date non plus pour la Belgique. Belle jeune... Ah, la chamelle est en route. Donc, belle, jeune et pleine de doutes, Mavi cherche sa voie. Elle arrive à Paris et y rencontre Georges, libraire au Quartier Latin depuis 40 ans. Solitaire, comme caché dans sa boutique où personne ne vient, Georges l'intrigue et la fascine. Aussi improbable qu'inattendu, leur histoire d'amour va définitivement transformer le destin de ces deux drôles d'oiseaux. Bon, derrière, il y a un secret que Georges cache depuis des années et des années. Apparemment, il est recherché par des personnes, on ne sait pas trop qui. Bon, voilà. Il n'y avait pas vraiment de grosses sorties cette semaine au cinéma. Eh ben, on va faire un tour de table. Film ouais. Tirer voir quoi Churchill. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a également Churchill. Mais non, il a pas présenté. Hein. Ah bah je m'en fous, je vais voir Churchill. Après, je oui, fais une sélection faire, de oui, ce que. Voilà. Ouais, bah oui, mais bien sûr, aussi, évidemment. Isabelle, tu irais voir quoi ? Drôle d'oiseau. Vas-y. Drôle d'oiseau. Drôle d'oiseau. Donc c'est un film français. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Véro ? Avec Valérie Lemercier. Ah, Marie-Francine. Ouais, Marie. Oh. Je l'aime bien, moi. Ouais, ça peut être positif comme négatif. Mais c'est de la merde. Mais non, pas forcément. Vu, oui, non, parce que parfois... Ça m'en plaît. Alors, c'est moi qui l'ai fait. Moi, parfois, elle est étonnante, ouais. Oui, oui, elle peut l'être, ouais. Moi, je pense, par contre, que Conspiracy peut être un très bon film. Ouais. C'est à la morgue, ça, non ? Non, c'est le premier, ça, l'agent du FBI. Non, de la CIA. Et Onissa ? Moi, la morgue. La morgue, ouais. Ah ouais. Non, mais le titre, donne-nous le titre. J'adore. Tu t'en souviens, toi ? Bien sûr. Dis. La morgue. C'est The Jane Doe Identity. Ah bah oui, ouais, The Jane Doe Identity, ça, ouais, absolument. Ça, j'aime bien. Et toi, tu irais voir quoi ? Bah aussi, avec toi. Avec toi. Attends, je te lance un pari, on y va deux. Allez, on va voir ça. Dans quand un siège duo. Dans un siège ah duo. Ouais, vas-y, ah bah non, parce qu'il n'y a pas encore de date pour la Belgique. Bah faudra aller en France. Oh non, non, on va pas non, en France. Non, pas en France, non. Mais en Belgique, ouais. Bah on ira. On ira. Ah oui. Bah, dès qu'il sortira en Belgique, alors je vous tu fais signe. Ah ouais. Alors Félix. Bon, c'est un peu c'est léger. À chaque fois que je vais dire un truc, tu vas me sortir. Oui, je suis à jukebox moi. Vas-y, ah, d'accord. Après, on y va. C'est un peu léger pour les sorties, mais toi, tu as été voir un film oui. qui t'a bien marqué. Du coup, il faut que tu nous en parles. Effectivement. Ouais. Non, mais sérieux, non. Je suis allé voir donc. Pirates des Caraïbes, la revanche de Salazar, enfin la vengeance de Salazar, ouais. Et j'ai été vraiment agréablement surpris. J'ai retrouvé un Johnny Depp que j'avais pas vu depuis un petit bout de temps, parce que dernièrement il avait fait des films, c'était pas trop ça. Hein, ouais, voilà. C'était aussi sous l'égide de Disney, il y avait normalement, enfin, notamment Charlie Mordecai, Lone Ranger et tout ça, c'était pas top. Là, j'ai retrouvé du grand Johnny Depp. Mais je crois que Johnny Depp, on le retrouve quand on le laisse faire. Ouais, c'est d'accord. Ça. C'est-à-dire que quand on lui donne un rôle, on lui dit il faut que tu sois un peu timbré, il va surjouer le rôle et ça va pas aller. Et là, par contre, on lui dit bah vas-y, fais ce que tu veux, joue-le comme tu veux, comme tu le sens. Tiens, là un petit rail de coque et puis ça y est, c'est bon. Et je sais pas comment il fonctionne. Oui, ça mais se alors, ressent alors quand c'est comme ça. Ouais. Et enfin, on sent qu'il aime le personnage aussi de Jack Sparrow. Oui, il est attaché à ce personnage. Bah pourquoi pas. J'ai vu la bande annonce. La bande annonce est bien. Bah, et le film est très bien également. Et il va y avoir une suite. Ah bah. Parce que tout à la fin, enfin à la fin du générique. Faut pas nous spoiler. Non, mais on voit quelque chose et on se dit, il va y avoir une suite. Ah ouais, voilà. Ok. Voilà. Tu devais nous parler d'un film. Oui. Oui. Alors j'ai vu un film merveilleux. Je vous le souhaite vraiment. Ça s'appelle L'attaque mortelle des donuts tueurs. Alors comme là, j'avais jamais vu un film pareil. C'est en fait, c'est des donuts qui tuent les gens. Mais t'es barré, toi. Je suis tombé là-dessus. J'ai dit, je vais regarder quand même. Isabelle, arrête de rire. Non, mais lui, c'est phénoménal. Hein. Et donc, les gens vont en resto, ils sont bouffés par leurs donuts. Et ça dure pendant 2 heures comme ça. Et c'est à chier. C'est à chier, honnêtement. Et voilà. Mais voilà, j'ai envie de regarder. Je me suis mais dans, dit, non, dans mais le même style de. Le titre me plaisait. Ouais, bah oui, c'est ça en fait. Les saucisses qui parlent. Ah non. Sausage Party, c'est bien. Ouais, mais toi, tu regardes toujours des films autrement qu'un. Ah, Sausage Party, c'est bien. Tu l'as vu. Oui, je l'ai vu, ouais. Il est bien. Oui, il est sympa. Ah, il est sympa. Mais c'est. Ouais, mais t'as une branche barrée aussi, toi. Hein, mais il est revendiqué comme étant film d'animation pour adultes. Ah oui, c'est sûr. Donc, déjà, faut pas emmener les enfants. Il y a des trucs sexuels dedans. C'est déjà interdit au moins de 16 ans. Ça nique à tout va dans le dessin animé, mais c'est à mourir de rire parce que c'est une. C'est genre. Oui, non, mais tu nous en as déjà parlé. Le petit pain qui. C'est dommage, vous n'avez pas l'image. C'est la saucisse qui se prend le petit pain. Enfin, bref. Mais c'est gentil, quoi. C'est sympa. Ouais, c'est pas comme les donuts, quoi. Le prochain, il va aller nous voir le roast beef qui parle, tu sais. Ouais. Non, mais à l'époque, c'était dans les années 80. Il y avait George Clooney qui avait joué dans un film. Hein, c'était un nanar. Hein. Ah oui. C'était L'attaque des tomates tueuses. C'est vrai. C'était un film d'horreur, on va dire, quoi. Mais à petit budget, c'était horrible. Aussi. Pas d'horreur, mais horrible. C'était un film, enfin, c'était avant l'époque de Urgence où il a vraiment explosé au niveau de la télévision. Il s'est pris les tomates avant, donc il était tranquille, ouais. Quoi. C'est ça. Eh bien, écoute, merci Sherlock pour ces sorties Cinoche, parce que du coup, la semaine prochaine, on ira faire autre chose que d'aller au Cinoche, j'ai l'impression. Par contre, si, j'ouvre une parenthèse quand même, parce que ça peut être très intéressant. Et là, vous m'écoutez, je trouve ça génial. Qu'est-ce qui va nous sortir Depuis tout à l'heure, on t'écoute. Hein. Parce que Fantine Ardurin, quand même, a monté les marches du Festival de Cannes, parce qu'elle joue donc, un film. Fantine, qui est quand même la petite fille de Philippe Ardurin, donc qu'on reçoit régulièrement, et qui joue... un rôle important avec les artistes très connus et qui a monté les marches du tu vois quoi il est venu acheter les pochettes à la maison. elle est adorable ouais. Et du coup il faudrait peut-être la faire venir lui demander qu'elle nous parle de son expérience Festival de Cannes, elle a tourné avec des grands, alors je sais plus c'est quoi le film le dernier film qui est sorti, mais elle nous en parlera quand elle vient. Ah ouais, ouais, carrément. Sympa, on va demander à Laurent si elle peut venir. Et donc une petite moucronoise qui a monté donc les marches du festival de Cannes pour un film qui va bien marcher d'ailleurs. Et donc j'ai oublié le nom des acteurs. Mais Bah c'est rien, elle nous en parlera. Ah, ouais. Carrément. J'aimerais beaucoup. Il faut la faire venir, savoir ce que ça fait. Oui, voilà. Parce que bon, moi je suis monté aussi hein, les escaliers du Palais des Festivals. Mais pas c'était rouge. C'est ça, c'était en plein été, il n'y avait rien du tout, donc ça le fait beaucoup moins. Moi je suis une fois tombé je me rappelle, tu m'avais raconté, les gens me disent « Ah, on dirait Brad Pitt !» Enfin, il fait plutôt Pitt que Brad, mais... C'est ça, moi c'était plus Brad Pitt, moi... mais oui, c'était ça. Mais en lui-même, le palais des festivals a rien d'extraordinaire. De crâne. De crâne. Ça, tu vois, c'est par rapport à la morgue de tout à l'heure. Hein. Oh, t'as été à l'école. T'étais au festival de crâne, t'étais à l'école. Moi, au festival de crâne. Bah écoute, c'est vachement pompeur. T'étais au festival de crâne. Ouais. J'ai pas monté les marches. Non, bah, en plus, moi je suis pas réceptive, tu sais, aux acteurs, machin, truc. Non, mais en même temps, je crois pas qu'ils aient des trucs pour monter les sièges roulants aussi. Non, mais à cette époque-là, j'avais marché encore, j'étais plus jeune. Ah, d'accord. Et t'as vu qui? Je peux pas répondre. Non, j'ai vu quelques acteurs, mais bon, moi je suis pas fan. Les gens, ils criaient tous. Bah, ils criaient quoi alors? Comment elle s'appelle, elle? Une rousse, là. Non, ils en ont encore parlé ici au Festival de Cannes. Yvette! Non. Yvette Horner! Non. Une américaine? Ouais, comment elle s'appelle? Kidman. Nicole Kidman. Non, pas Kidman. Ah non, elle est pas rousse. Elle est blonde, elle. Mm-hmm. Julia Roberts. Non, Julianne Moore. Ah oui, ah, oui. Ouais. Ah bah ouais, quand même. Ah bah comment elle a snobé son public. Enfin, moi je supporte pas, ouais, je suis désolée. Normal, t'as le pas dire bonjour au centre de personnes. Bah non, personnes. Tu fais juste, tu te retournes et tu fais un signe, je suis désolée. Comme la reine mère, comme ça. C'est... Bah, elle bah comme le, elle veut, le mais truc du Festival de Cannes, c'est que c'est beaucoup pour les photographes et les reporters. Hein. Bah non, mais nous, moi j'y étais en plein dedans. Donc, mais les gens ils crient après, si elle a même pas un regard. Enfin, moi je supporte pas. Je suis pas faite pour aller dans des trucs comme ça parce que je suis pas tolérante. Tu la connais? Non, mais ça ne se fait pas. Bah, tu l'appelles, elle te connaît pas, elle va pas te répondre. Moi, elle appelait Hirs. Hein. Ah, moi, qu'elle dit. Non. Mais, Juliane, c'est Onissa. Tu crois qu'elle va te répondre? Mais je suis désolée, et le public est là, tu dois à ton public à ce moment-là. Je suis désolée, c'est le but et. Non, je suis pas d'accord, je suis contre tout ça. Alors, je plaisante, mais j'aimerais bien le faire aussi, le Festival de Cannes. Oui. Bah en fait, écoute, moi j'ai eu un bol phénomène parce que nous on est arrivé par hasard là. Et par hasard au Festival de Cannes de ce moment. Mais non, on allait tout le temps à la même époque. Et on a pris nos entrées habituelles. Et puis on s'est retrouvés en plein milieu là. Mais il y a des acteurs qui sont hyper réceptifs et qui jouent le jeu, c'est très bien. Comme qui? Oh, je ne sais plus, tu sais, à cette époque-là. Mais elle Bourville, Jean Reno. Ah, Jean Reno, j'aurais adoré lui par contre. Michel Simon. Ouais, bah excellent, c'est bien. Moi je suis désolée, c'était des super acteurs. Donc ouais, t'es arrivé là par hasard. Oui. Louis Jouvet, il y avait Louis Jouvet. Mais non, mais moi je suis désolée, tu joues le jeu. Ouais, bah. Ouais. Bon, les amis, ouais, c'est pas tout ça, mais malheureusement, il va falloir qu'on y aille. Ben oui. Alors moi, je vous propose de se quitter avec un titre de Michel Sardou, Être une femme. Ah bah ça va changer à Onissa. Parce que Michel Sardou prend sa retraite. Enfin. Ouais, ça c'est n'importe quoi. Bah c'est ce qu'il a dit. Il s'est expliqué. Mais oui. c'est si, bidon. Il s'est expliqué, je suis d'accord avec toi. Il s'est expliqué, il a dit que maintenant quand il commençait à composer une chanson, il revenait sur les mêmes gimmicks musicaux et les mêmes thèmes que ce qu'il avait fait il y a 40 ans. Et c'était Jacques Brel qui lui avait dit que s'il retombait dans les trucs qu'il avait déjà fait, il valait mieux arrêter. Guy Michel a fait la même chose il y a 3 ans. Oui, il est encore sur scène et il remonte sur scène. Non, lui, il a bien dit qu'il arrêtait. De toute façon, c'est indispensable puisqu'il n'y a plus de mémoire. Et il y a eu un très gros problème de voix, un problème de santé. Il a eu la chance de récupérer, mais il préfère maintenant garder pour faire du théâtre ici et là, ce qui est plus à sa portée à l'heure actuelle. D'accord. Ouais, c'est dommage. Du théâtre. J'aimais bien. Oui. Alors qu'il y a un problème de mémoire. Oui, mais ça, c'est rien, t'as ton prompteur. Oui, mais c'est vrai. Mais il n'y a pas de prompteur au théâtre. Il y a eu une émission. Il va faire du playback. Non, il y a eu une émission, je suis désolée. Non, écoute bien. Il y a eu une émission et où il chantait avec une petite jeune qui a eu énormément de respect pour lui parce qu'en plein milieu, ils étaient en direct et il y a eu un trou de mémoire, mais phénoménal. Ah, je me suis rien merdé. Elle a su. Elle a su le rattraper et le remettre sur la voie, mais il l'a remercié à la fin parce qu'il a un caractère spécial et il était temps qu'il arrête parce qu'il peut plus. Il arrive à un moment, c'est bien de le reconnaître. Si, si, c'est vrai. C'est dommage parce que sinon, il va après tout aller anéantir ce qu'il a la produit jusqu'à maintenant. Donc, autant qu'il arrête. C'est bien. C'est une belle parole. On va terminer là-dessus. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Donc, la prochaine pièce de théâtre s'appelle Alzheimer, mon amour. Voilà. Donc, on va terminer sur ces dernières notes sur Michel Sardou. Et puis, on va penser à Johnny Hallyday parce que peut-être que la semaine prochaine, on n'en parlera plus. Là, c'est sur la tangente également aussi. Ouais. J'ai eu l'info. On va savoir à peu près ce soir s'il sera vraiment présent ou pas. Ah, attends, j'ai réservé mes places pour aller voir. Par contre, je ne vous dirai pas par qui il va être remplacé s'il ne vient pas. Ah, parce que tu connais. Oui, je plaisante pas, la prochaine fois que je suis sérieuse. Bah, par qui je vais pas le dire maintenant. Bah, pourquoi tu ne le diras pas? Parce que c'est pas encore confirmé. Ah, mais dis, parce que moi je prends des places. S'il est remplacé par Hervé Villard, moi ça ne m'intéresse pas. Tu m'appelleras demain et je te dirai s'il est confirmé ou pas. Ça marche. Bon, sur ces belles paroles, on arrête là-dessus. Bon, gros bisous à tous. Alors, le temps de remercier évidemment Flipkat pour cette merveilleuse chronique sur Caroline. Radio Caroline. Merci évidemment à notre ami Onissa. Une petite rétrospective sur Heidi. Voilà. Et dans deux semaines, on aura peut-être Rémi sans famille. Merci à Flipkat pour le rétro ciné 80. Moi c'est Sherlock. Sherlock pour le rétro ciné 80. C'est pas la première fois que tu le fais. Ouais, ça. Je sais. Bah ouais, c'est je sais pas pourquoi. Il y a un air de ressemblance. Père et fils. Bah ouais, mais attendez. Au moins, t'es sûr que t'es pas le fils de Pompon déjà. Voilà. Ouais. Je suis peut-être le petit-fils de Pompon. Par contre. Ouais. Ah ouais, merde. Merci pour le rétro ciné 80. Mais évidemment. Et les sorties cinoches auxquelles on n'ira pas. Mais en tout cas, merci. Ben, je t'en prie. Mais en même temps, c'est pas moi qui fais les films. Ouais, voilà, mais c'est sûr. Sûr. Ouais, bah oui, si je faisais les films, là, c'est sûr, vous iriez jamais au cinéma. Ah, bah, si, lui, irait, je suis sûr. Tu lui claques des donneuses et soucis. Non, mais attends. Sherlock, il dit tiens, on va se faire une séance ciné. C'est ma soirée mariage. Bon, ok. Je sais pas si ça va faire des millions d'entrées. Ouais, mais c'est quand même meilleur que les donuts, hein, s'il te plaît. Arrête. C'est vrai. Bah, bon. C'est vrai, c'est vrai. Alors. Sherlock, oui. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Alors, si tout va bien, on va recevoir, donc, comme il était prévu, on va recevoir Maureen. Alors, Maureen qui est venue déjà plusieurs fois dans l'émission, et elle avait démarré dans l'émission. Qu'est-ce qu'il y a ? On sera le premier mardi du mois. Il y aura également Stéphane, normalement. Ben, Stéphane sera très content de l'avoir parce qu'il m'a envoyé un message en disant ah ouais, super. Donc, oui, c'est vrai, à mon avis, il sera content de l'avoir. Une très très jolie chanteuse. Donc voilà. Donc à mon avis, si je m'arrange que avec je Stéphane, ouais, je crois qu'il sera d'accord. Elle nous fera une petite chanson entre les sessions. Et puis bah toi, tu vas nous proposer une petite coupure musicale. On va terminer là-dessus avec Michel Sardou et Être une femme. Non, femme des années 80. Avec de la musique. Ah, Michel Sardou, quand même. Ah ouais, Michel Sardou. Hein. C'est un monument des années 80. Si, bien sûr, Michel Sardou, Être une femme. Allez, ciao, ciao. Allez, ciao, portez-vous bien. Prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Que je fais lorsque je m'ennuie? J'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe. Que je vivais l'étrange drame d'être une femme. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moi Colombine Carlequin, sachant pianoter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Être un PD géant bas noir, sexy comme autrefois les stars. Être un général d'infanterie, rouler des patins aux conscrits, enceinte jusqu'au fond des yeux qu'on a envie d'appeler monsieur. Être un flic ou pompier de service et donner le sein à mon fils. Femme cinéaste, écrivain, à la fois poète et mannequin. Femme panthère sous sa pelisse et femme bancaire planquée en Suisse. Femme dévoreuse de minets, femme directeur de cabinet.